tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche. Bienvenue, merci de nous écouter, merci d'être toujours présents. Désolé pour les écarts qu'il y a entre les différents épisodes, la publication n'est pas très, très régulière, mais merci de nous écouter, d'être toujours fidèles à cette émission. Alors, je ne suis pas tout seul pour cette émission de ce soir, alors on va commencer un petit peu par les petits nouveaux. Alors on va dire bonsoir Kikrin. Salut. Et bonsoir Kenton. Bonsoir. Et également, vous l'avez déjà entendu dans l'émission de Jurassic World, bonsoir Fab. Bonsoir, trop entendu dans Jurassic World. D'après certains, oui, enfin bon, c'était très bien. On va entrer directement dans le vif du sujet. Donc à l'affiche ce soir, c'est le film Interstellar. Interstellar qui est le film sorti le 5 novembre 2014, réalisé par Christopher Nolan, avec comme acteurs principaux Matthew McConaughey, Anne Hathaway. Vous retrouvez également Jessica Chastain, Michael Caine et Foy McKenzie. C'est un film. Et puis Matt Damon surtout. Oui, et Matt Damon. Mais bon, on y reviendra. Parce que je ne veux pas dire, on va commencer direct. Matt Damon, c'est le seul. On va mettre les choses au clair. Si vous voulez pas vous faire spoiler le film, vous pouvez couper ce podcast. On va attaquer les spoils dès le début. Je veux pas cracher, mais Matt Damon, c'est le seul mec au monde qui, dans chacun des films, c'est le mec à aller sauver. Je parle de dans Seul sur Mars, où c'est un astronaute qui est paumé sur la planète Mars. C'est Matt Damon. Si on attaque le film Interstellar, c'est également lui qui est paumé dans une planète et qu'on doit aller chercher. Voilà. Oh. C'est vrai que dans Dogma, il est aussi un peu paumé, hein. C'est ça, voilà. J'ai un copain qui m'a dit que c'était lui également le soldat Ryan qu'il fallait aller sauver, tout s'enchaîne. Donc Matt Damon qui est quand même un très grand acteur également dans ce film. Alors on va un peu présenter pour commencer, vous l'avez vu, qu'avez-vous pensé de ce film avant d'attaquer un petit peu tout ce qui est histoire et tout ça? Quelle est votre impression vis-à-vis de ce film? On va commencer à les Fab. Enfin, voilà, elle est très bonne, l'impression sur ce film. Après, j'avoue que quand j'en suis sorti, la première fois que je l'ai vu, j'avais trouvé ça tellement. Il y avait tellement de choses dans ce film. J'ai franchement mis, je le dis à chaque fois, j'ai mis 4-5 jours à savoir si j'aimais ou pas, quoi. Parce qu'à un moment, il y a tellement de choses, et puis il y a un côté, faut que t'acceptes, quoi. Faut que t'acceptes ce que tu vois dans ce film, ce qu'on te raconte dans ce film. Et au bout de 4-5 jours, quand ça avait bien décanté, je me suis dit, en fait, j'adore ce film, donc voilà. Et Kikrin, tu l'avais vu au cinéma également, ou tu l'as vu un peu plus tard, après sa sortie? Alors moi, non, je l'ai vu au cinéma, d'abord une première fois, et je rejoins un petit peu l'avis de Fab. La première fois que tu le vois, c'est quand même un film qui te laisse un peu en suspens, tu sais pas forcément si... Enfin, il y a tellement de choses... Ouais. Notamment du côté un peu scientifique et tout, que t'es hyper concentré pendant 3 heures et tu comprends pas que tu puisses l'apprécier comme un film classique, quoi. Alors du coup c'est plus à la deuxième au deuxième visionnage que t'apprécies. Voilà. Moi en fait la première fois que je l'ai vu, je me suis tellement dit oh là là, faut pas que je rate une seule partie de tout ce qu'ils expliquent, parce que ça se trouve je vais pas comprendre la finalité du film. Non, c'est pas c'est pas aussi technique que ça, puis voilà. Et Kenton, un peu, quel est ton ressenti quand tu as vu une première fois ce film? Ma première fois, pareil, j'étais un peu perdu parce qu'il y avait il y avait beaucoup beaucoup de choses à comprendre, à assimiler, et du coup moi je suis allé le voir mais 3 ou 4 jours après directement de nouveau au cinéma. Et oui, là il y a un truc, j'ai été le voir 2 fois en fait, j'étais avec deux personnes différentes qui voulaient le voir et pouvaient pas en même temps, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et puis quand je l'ai vu après, moi je me suis dit, ouais, finalement ça serait peut-être pas mal de le revoir une deuxième fois direct, parce qu'il y a quand même des choses qui sont peut-être un peu difficiles à comprendre, et si tu loupes un élément, et moi j'avais loupé un élément, une phrase, vraiment une phrase, parce que la personne m'avait parlé, et je du coup... Je partage ton impression, peut-être pas la même chose, mais je partage ton impression. Ouais, du coup, la deuxième fois, avec cette phrase en plus, j'ai compris tout le film, en fait, et voilà. Mais Je trouve qu'il lui manque une petite demi-heure à ce film. Il manque une petite demi-heure. Moi aussi, pareil, la première fois que je l'ai vu au cinéma, je suis ressorti en me disant, mais j'ai pas aimé, je me suis ennuyé, je me suis fait chier, clairement. Au début, je m'étais dit, pourquoi pas, j'avais réfléchi à parce que c'est un film où j'ai beaucoup entendu de bien sujets. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, pourquoi j'ai pas aimé, quoi. Pourtant, j'avais pas envie de le revoir, j'avais tellement un mauvais souvenir. Et quand je l'ai revu, là, il y a 3 semaines à peu près, comme tu dis, Kenton, j'avais pas tout, il y avait tellement de trucs à voir dans l'histoire que j'avais pas tout saisi, cette sorte de boucle, entre guillemets. Et ce qui fait que, pour moi, j'ai pas aimé quand je l'ai vu la deuxième fois, j'ai adoré et depuis c'est un très gros coup de cœur. Mais quand je l'ai vu au cinéma, je sais pas, l'histoire était tordue, il y a des petites subtilités qui font que si tu liras tout de suite, tu oublies complètement, tu oublies l'histoire, quoi, t'es un peu hors de l'histoire. Et certains passages sont quand même intéressants, mais l'histoire générale est un peu ennuyante. Je sais pas comment t'as fait pour t'ennuyer, parce qu'il se passe tout le temps quelque chose, il y a mort véritablement dans le film, c'est étonnant. On va juste présenter l'histoire et après on pourra expliquer l'histoire avant d'en discuter. Alors le synopsis de base, c'est alors que la Terre se meurt, il y a des tempêtes de sable dans tous les sens, la Terre va vraiment très mal. Une équipe d'astronautes part dans l'espace et à la conquête d'une autre galaxie pour explorer un nouveau système planétaire, pour essayer de trouver une nouvelle planète habitable et sauver l'humanité. C'est le projet de base. Donc ensuite, dans tout ça, on suit l'histoire de le personnage Matthew McConaughey, j'ai oublié son nom. Matthew McConaughey, de Joseph Cooper. C'est Cooper, je crois, hein? Ouais. Oui, qui était un ancien astronaute de la NASA qui est reconverti en agriculteur. C'est pas pilote de chasse plutôt qu'astronaute ? Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est. Il me semble que une des premières scènes quand il décroche là, quand il est dans un de ses rêves et qu'il y a sa fille qui le réveille, il me semble qu'il est pilote astronaute. Il est dans le ciel et puisqu'il le rappelle à un moment, il dit mais j'ai jamais quitté la stratosphère. Il le dit à l'autre parce que l'autre lui dit, je vais pas spoiler de l'histoire, mais il lui dit c'est vous, on a besoin de vous comme pilote, et il dit oui mais moi j'ai jamais quitté la stratosphère. Et puis l'autre lui répond les autres ont quitté le simulateur. Ouais, je confirme, ouais. À la NASA, mais que justement du fait de son âge, il a pas pu aller dans l'espace à cause de la fermeture de la NASA, je crois. C'est ça. Il en parle un moment quand il est avec son beau-père là qui regarde les étoiles sur le pas de leur porte, il me semble. Oui, c'est ça. Ensuite, le fait est qu'il n'est plus à la NASA. Il est pilote. Il est devenu agriculteur aux États-Unis. Et ça lui plaît pas. Il est toujours la tête dans les étoiles. Il aime bien un peu. Il observe régulièrement et il a notamment une fille qui s'appelle Murphy, dont il est très proche notamment, et qui est également elle un peu. Il a réussi à transmettre sa passion pour l'espace et les étoiles et. Est-ce qu'on attaque directement le fait qu'il... Voilà, on va le dire directement. Il tombe, entre guillemets, il se passe des choses bizarres dans cette maison. Et nous, on pourrait dire que c'est un peu... Comment dire que c'est des... des choses bizarres, notamment la poussière, où ils voient des traces de poussière de manière un peu bizarre, qu'ils vont interpréter. Nous, on va se dire, c'est pas grave, c'est le vent qui a fait ça, et lui, non, il va interpréter ça comme des langages codés. Et le fait est que, par un concours de circonstances, ils vont retomber sur une vieille base de la NASA, et il va être engagé pour repartir dans l'espace, notamment à la conquête de ces galaxies. Si je peux me permettre d'ajouter juste un petit truc, parce qu'il y a un élément qui est assez important, c'est qu'en fait le père vis-à-vis de sa fille, c'est la fille qui voit les premiers signes, elle prend ça comme un fantôme. Oui. Le père lui dit les fantômes, ça n'existe pas, et il finit par constater qu'effectivement il se passe des choses, et même si lui-même a dit les fantômes n'existent pas, tu as un petit moment de doute, et je pense très important dans le film, ce petit moment de doute où il se dit il se passe quelque chose. Comme comme c'est pas possible que ça soit un fantôme, il faut que je trouve ce que c'est. Parce que si c'était dit c'est un fantôme, voilà, c'était fini. Le film faisait 20 minutes et puis on n'en parlait plus. Mais je pense que cet élément est très important justement parce que comme il se dit ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas possible, il y a une explication et c'est là qu'il se met à chercher l'explication de ce truc. Mais c'est quand même il s'obstine quand même. Enfin, pour le principe de base où il se passe des choses bizarres, il s'obstine pour un rien au final. Même si c'est dans la durée du film. Enfin, pour un rien, il se passe un truc comme ça chez moi, je m'obstine pas pour un rien. Hein. Oui, moi je trouve qu'ils prennent même ça à la légère, hein, parce que franchement, lui s'en intéresse pas plus, alors que bon, il y a quand même des livres qui tombent tout seuls de la bibliothèque. Non, oui. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand il s'amuse à compter, à décoder c'est du binaire ou de la fin, pour trouver les coordonnées notamment, toi tu fais des choses bizarres, tu t'en inquiètes, je dis pas le contraire, mais est-ce que tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un message codé à travers ces événements bizarres? Bah, au début, c'est très bien pour le film, non, je dis pas le contraire. Au début, mais après c'est vrai que quand tu vois la segmentation de la poussière, tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Honnêtement, tu te dis, il y a peut-être quelque chose, puisqu'il y a une séquence dans la segmentation de la poussière. Donc forcément, s'il y a une séquence, il y a une logique humaine qui veut que tu essaies de choper un message là-dedans. Oui, enfin... Non, pas toi ? Pas l'impression... je sais... En situation, je sais pas, c'est pas évident de s'imaginer ça en situation. Après, c'est vrai que quand il dit, c'est la gravité, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, putain, si j'avais une main assez longue pour lui mettre une baffe à cet idiot-là... Il te sort, c'est la gravité. Ok, bah ouais, mais comment, d'où tu sors ça? Pourquoi tu sors ça? Qu'est-ce qui t'a ramené à cette façon de penser? Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, effectivement, comme t'as dit, le vent, rien que... je sais pas, n'importe quoi, mais là, c'est la gravité. Quoi? Mais d'où tu sors ça, mec, quoi? C'est vrai, c'est un premier point qui est quand même bien apporté. C'est dans l'intérêt pour toute l'histoire au final. Ça s'explique jusqu'à la fin de l'histoire. Il y a l'explication finale et on comprend cet objectif là, mais c'est un point qui est un peu tordu, on va dire. Après ils vont réussir à tomber sur la NASA un peu, et le fait il va être embauché par la NASA, ils vont tomber sur la NASA. La NASA travaille en secret sur un projet pour justement recoloniser toutes les galaxies, trouver une galaxie, une planète habitable, et ils n'ont pas de pilote qui a de l'expérience dans le domaine et qui pourrait mener à bien ce projet. Et donc, ils vont faire, on t'a sous la main, tu viens avec nous. Si t'es d'accord, tu viens avec nous et tu seras le pilote principal de ce projet. Moi, je trouve que cette scène, elle est énorme. Cette scène, elle est énorme parce que ça commence par un kidnapping. Il kidnappe carrément, c'est donc le père et sa fille qui arrivent sur le lieu de la NASA. Tu me dis, si je vais trop loin, tu m'arrêtes. Oui. Mais je trouve que cette scène est épique parce que d'abord tu es face à un robot intelligent, donc déjà c'est le premier élément qui paraît vraiment bizarre dans le film, parce que tu vois un robot qui lui parle comme si c'était un humain. Et mais tu veux dire quand ils sont dehors, quand Tarz lui pose des questions, mais comment t'as trouvé le lieu, quand ils sont dans le bâtiment, tu veux dire, et t'avances d'une minute ou deux, sa fille en sécurité, il se retrouve dans un bureau où on lui dit « Oui, il y a des secrets ici ». En deux secondes, ils lui disent les secrets. Alors ça me fait halluciner, parce que c'est l'endroit le plus sécurisé du monde, c'est ce qu'il lui dit deux secondes avant. Mais juste après, il lui dit tous les secrets, et encore pire, le bureau, pas un bruit, tout le monde se marre, tout le monde parle doucement, et d'un coup, ils ouvrent la porte, et t'as une station spatiale, juste derrière, en construction. C'est vrai. Mais moi aussi, quand j'ouvre les portes de mon bureau, derrière, j'ai une centrale nucléaire, c'est connu, quoi. Tu vois? Surtout que je me suis fait la réflexion quand je l'ai revu la deuxième fois, c'est que si on suit la logique, le bureau, quand ils ouvrent la porte du bureau, ils sont à peu près au niveau de la station. Ouais, bah oui, c'est la ça. La fusée. Ça veut dire que leur bureau, il est très enterré sous terre en plus, quoi. C'est ouais, il y a des c'est un peu tordu dans. Oui, vas-y. Si je peux me permettre. Vas-y, une des choses pour lesquelles. Je me permets alors. Une des choses pour lesquelles. J'ai eu du mal au début à me dire si j'adhérais au film, c'est aussi les... Enfin, moi, personnellement, je trouve que ce qui se passe sur Terre, j'y crois pas une seule seconde, en fait. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui, au fil du film, s'expliquent, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a quand même un certain nombre de choses, il y a des raccourcis, mais c'est même pas des raccourcis, pour le coup, c'est des trous de verre dans le scénario. C'est pour ça qu'il manque une demi-heure, tu vois, je trouve. Mais c'est ça. Bon, après, en plus, c'est quand même toujours un peu ce que fait Nolan, hein. Des fois, il y a des ellipses assez monstrueuses. Mais là, il y a certains trucs. Enfin, c'est incroyable. Et comme l'arrivée dans le centre, justement, à ce moment-là, moi, ça me... Enfin, le mec arrive. Bah, bon, a priori, voilà, il est plus... Personne s'étonne. Il y a quand même un monde qui est étonné. Il explique vaguement le truc. Et effectivement, bon, bah, puis, bon, allez, c'est bon, on a fait 5 minutes de speech. Maintenant, on va vous montrer les étincelles et la navette qui est en train d'être construite. Bon, là, c'est vrai que ça manque quand même un peu de finesse, quoi. Puis en plus, bon, on comprend bien que l'intérêt du film, c'est ce qui va se passer là-haut. Mais quand même, le début du film, ça aurait pu être un petit peu prolongé, au moins, pour qu'on ait vraiment l'impression que tout ça, c'est pas fait que pour ça. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous l'avez tous vu en VF? J'ai vu en VF récemment. Est-ce qu'en VO, ça fait le même effet ou pas? Parce que c'est peut-être justement ça, c'est peut-être la traduction qui est pas tout à fait bien jouée et qui fait que... Non? J'ai vu les deux, j'ai eu le même ressenti. D'accord. Ouais, c'est pareil. Ouais. J'ai vu les deux... D'abord en VF et ensuite en VO, non, c'est pareil. Ouais, donc trop raccourci cette séquence, on est d'accord. Ouais, bah, on est d'accord. Après, il y a des choses où, dans le film, voilà, elles sont posées comme ça, faut les accepter et c'est tout. C'est ça. Ouais, mais c'est un peu triste sur un film qui fait 2h30 de se dire que les éléments qui paraissent quand même vachement importants, autant enlever des petits bouts du voyage ou des petits bouts du... Mais laisser une séquence qui me paraît importante se construire normalement, parce que là tu crées même plus les étapes. Il y a une seconde il voulait tuer tout le monde parce que sa fille n'est pas là, deux secondes après il la laisse partir avec la fille du professeur je sais plus comment dans son bureau parce qu'elle est fatiguée, tu vois. Il y a un monde entre les deux et il y a une minute qui s'est passée entre ce monde, quoi. C'est hallucinant, ouais. Quoi. Ah ouais, non mais très franchement, c'est le professeur, voilà, Brand, merci. Juste pour préciser. Les passages sur Terre, moi, je... Pendant le film, je me faisais la réflexion, je me disais, j'espère qu'il n'y en aura pas énormément, parce que ça... J'étais très réticent. Sur l'espace, j'ai pas grand-chose à dire sur ce qui se passe, en tout cas en mal, mais sur Terre, moi, ça me semble à chaque fois des situations un peu... Oui, c'est ça. En fait, je pense que vraiment, les passages sur Terre sont un petit peu bâclés. Ouais, ouais, ouais. Mais la première fois que je l'ai vu, le point qui a fait, en tout cas, sur lequel je me... Mon argument à l'époque pour me dire que j'aimais pas le film et que j'avais du mal à le comprendre, c'est que je n'avais pas le souvenir qu'ils avaient réussi à tomber sur la NASA via ces coordonnées, ces événements bizarres, ces coordonnées bizarres. J'en avais le souvenir, et même très peu de temps après le film, qu'ils étaient tombés dessus un peu par hasard, tu sais. Je sais pas pourquoi. Et ouais, c'est une preuve de plus que c'est mal apporté. Après, il part dans le... Après, bon, quand il commence tout le processus du voyage, ça se passe plutôt bien. Au niveau de l'histoire, il y a des choses à discuter, mais il y a moins de gros, il y a moins de flou et de trucs, de raccourcis de fait. Mais ouais, ce point-là est assez bizarre. Bah, quelqu'un voulait dire quelque chose, j'ai entendu. Je trouve pas qu'il tombe dessus par hasard, quand même. Tu veux pas dire qu'il tombe dessus par hasard? Non, mais c'est le souvenir que j'en ai. Non, je suis d'accord avec toi. Maintenant que je l'ai vu une autre fois, je suis d'accord avec toi. Mais la première fois que je l'ai vu, c'est le souvenir et l'impression que j'en ai eu. Mais maintenant, non, on peut pas dire ça. C'est non, je suis d'accord. Mais à l'époque, c'était un peu ça. Ouais, bah en même temps, c'est une déduction de fait qu'ils ont eu dans leur maison qui fait que, enfin, moi ça m'a pas paru si incohérent que ça, quoi. Non, mais cet aspect-là, parce que c'est des blancs que tu combles au fur et à mesure. Donc même si au début tu te dis putain quand même le mec il tombe dessus tout de suite. C'est gros, quoi. Après tu comprends. Oui, mais voilà, ouais. C'est il y a des voilà, moi c'est pas tant sur cet aspect-là parce que franchement ce côté-là c'est plus maîtrisé, quoi. Mais c'est plutôt les interactions, en fait, ce qui se passe entre les personnages. Et là, dans ce cas-là, on peut pas dire qu'après ça comble des blancs. C'est même pire parce que des fois ça accentue le fossé, quoi. Et enfin, il me semble quand même que, je sais pas si je dis une connerie, mais ils se connaissaient avant. Oui, non, mais ils se connaissent. Oui, mais, donc à la limite, ça paraît ça pas aussi vite. Ouais, bon bah, ok. Après, on comprend bien qu'ils vont pas passer une heure à se refaire la vie, à se refaire un entraînement, à se faire les briefings autour du truc, évidemment. Mais voilà, c'est comme disait Kenton, c'est ça, Kenton, je prononce bien. Oui, c'est ça. C'est Kenton, oui. Voilà. Allez, un quart d'heure, 20 minutes, juste histoire. Peut-être reposer les enjeux aussi, parce que même s'ils sont posés un petit peu au début, bon, c'est pareil, on te livre le plan de la mission de manière très, très rapide aussi. Enfin, il y a plan A, il y a un plan B, bon, on t'explique ça, mais on se dit, il y a quand même déjà à ce moment-là quelque chose qui cloche, au moins dans l'explication qu'on t'en donne, il y a un petit truc qui te paraît bizarre. Alors effectivement, après, tu comprends bien pourquoi c'est bizarre, mais malgré tout, là aussi, peut-être que ça aurait pu être... Mais c'est juste question de finesse, en fait, parce que moi, franchement, après, tu le passes, tu t'es dans le truc très grave, mais bon, on peut être exigeant un petit peu, quoi. Oui. Donc au final, il se passe que il accepte la NASA lui dit ce serait mieux que tu viennes et lui dit bah ok pas de problème je viens mais sa fille dont il était quand même assez proche il y a toute une scène entre le moment où il accepte avec la NASA et le moment où il va partir où il décolle dans la fusée où on sent bien quand même que ça brise le cœur de sa fille qui lui en veut beaucoup, qui lui en veut même après tout le reste de l'histoire d'être partie au point qu'elle va ne pas lui donner dans des communications avec la Terre où il y a la famille qui donne des nouvelles aux astronautes, sa fille ne sera pas présente parce qu'elle lui en veut et elle lui en veut vraiment d'être partie et de l'avoir entre guillemets abandonnée sur Terre. Pourquoi elle lui en veut ? C'est parce qu'au départ elle lui en voulait pas tant que ça, mais c'est quand elle a compris qu'il ne savait pas quand il rentrait que là vraiment elle lui en a voulu à mort. Oui. Oui, bah c'est la. Oui, quand elle est dans son lit en train de pleurer et que. Lui, il essaie de la convaincre, mais que c'est pas qu'elle va rentrer, et donc forcément, vu qu'en plus il va partir vers d'autres galaxies, tu sais même pas où, il sait même pas vraiment où il va, donc il sait même pas sur quoi il va tomber, donc oui, forcément c'est assez douloureux pour tout le monde, même pour lui ou la. Je crois que ça a fait même sur internet la scène où il est dans la voiture, où il est en train de pleurer à chaudes larmes, avec un visage qui a une expression assez tordue d'ailleurs, mais. Bon, tu sens quand même c'est assez émotif avec la musique assez forte derrière pour bien accentuer les émotions. Donc ensuite, il se passe qu'on va si on poursuit l'histoire, le voyage part, ils vont décoller, ils vont faire une première, ils vont atterrir sur une sorte de première station spatiale. Là, c'est une sorte de rond sur lequel ils vont se baser avant de traverser une grosse partie de l'espace, si je dis pas de bêtises. Ouais, Endurance. Endurance, oui, voilà. Où ils vont, c'est une sorte d'un peu comme, pour faire un raccourci, c'est une sorte de station spatiale, un peu dans l'idée, un super vaisseau, à travers lequel ils vont pouvoir effectuer de plus longs trajets jusqu'à atteindre ce fameux, c'est quoi, c'est un trou de verre, c'est ça ? Pour atteindre l'autre galaxie. Où notamment durant ce voyage, ils vont passer plusieurs périodes en dormant. C'est de la j'ai oublié le mot technique. Non. C'est ça. Voilà. Enfin, dans l'idée, c'est de l'hypersommeil, voilà. Parce que c'est très long, quoi. Et donc on va atteindre le trou de verre. Où là, bon, c'est. Je sais pas, ce point-là, je sais pas si ça existe vraiment en vrai, ce genre de trou de verre, mais de passer dans un trou de verre comme ça pour atteindre une autre galaxie, pour l'histoire, c'est plutôt intéressant parce que ça te permet de faire des raccourcis, mais c'est quand même très bizarre au niveau de la manière dont c'est surtout apporté. Intéressant pour eux dans l'histoire, parce que le coup, c'est, oui, ça les voilà. Parce que c'est vrai que dans la scène où il dit au revoir à sa fille, il y a l'aspect, elle sait pas quand il va revenir, mais parce que. Là, on a la première, référence à quelque chose de majeur dans le film, c'est-à-dire c'est la relativité du temps et du temps que lui va passer, qui va être beaucoup plus court finalement. Lui, il va être sur une courte période de temps, alors que sur la Terre, on va être sur le temps humain qui va être plus long finalement. Et ce qui va se passer, c'est que effectivement, l'idée, c'est d'aller rejoindre parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une année, il y a un trou de verre qui est apparu près de Saturne. Et ce trou de verre donne sur les galaxies potentiellement donnent sur des planètes qui sont habitables. Et c'est vrai que ça évidemment c'est de la théorie parce que évidemment ça n'a jamais pu être fait. L'idée du verre et c'est non seulement une ellipse, mais en plus c'est bien sûr totalement intégré dans le scénario. Pourtant ça, il est impossible de sauver l'humanité, puisqu'on lui donne quoi ? On lui donne 70, 80, 80 années devant elle pour, avant de s'éteindre. Donc si on devait mettre, si oui. on devait mettre plus de 80 ans, ça ne serait pas possible. Donc ce raccourci-là permet tout de suite d'accéder à ces planètes. Enfin, là aussi, c'est pareil avec c'est relatif. Mais ouais, non, c'est pas mal utilisé. Après, théoriquement... C'est pas le premier film qui l'utilise, parce que c'est une vraie théorie qui a été émise par Einstein et Rosen. D'ailleurs, c'est pour ça que le nom du trou de ver, c'est le pont d'Einstein-Rosen. Et en fait, c'est une théorie qu'on n'a pas pu encore valider, mais qui serait très, très probable. Je trouve ça justement intéressant de l'utiliser, puisque... On le sait, maintenant on est limité par la vitesse de la lumière au niveau des déplacements, et que quoi qu'il se passe, ça prendrait un temps fou pour aller à la prochaine galaxie. Rien que la première, c'est 4 millions d'années. Donc 4 milliards, je crois, pas de conneries. 4 millions d'années-lumière ? 4 milliards ? Je sais plus. 4 années-lumière ? Ça demande beaucoup de temps dans tous les cas. Voilà, ça demande beaucoup de temps, effectivement. Je suis peut-être en train de dire les temps qu'il faut pour y aller, mais en tout cas, il faut un temps pas possible, et ce serait inenvisageable sans utiliser ce trou de ver, hein, de toute façon, donc... Et une précision qu'on a oublié d'apporter, ils vont dans cette autre galaxie visiter des planètes sur lesquelles une précédente mission est déjà partie et a envoyé des explorateurs sur chacune des planètes sans trop de prévision d'un voyage retour on envoie des explorateurs et si ça se passe bien, ils nous enverront un message pour nous dire que ça se passe bien. Et il y en a trois de ces planètes. Il me semble que c'est trois. Je crois que c'est ça. Qui répondent avec un peu de positif, ou qui répondent tout court d'ailleurs, et ils vont devoir, leur objectif, c'est d'aller visiter ces trois planètes-là, parce que c'est les seuls qui répondent et qui se disent que potentiellement, il peut avoir ça peut être une planète habitable. C'est ça, ouais. Ensuite, c'est ça. Ensuite, ils arrivent dans cette autre galaxie, ils vont attaquer cette première, ils vont commencer à, ils vont arriver sur une première planète, alors la première planète, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est celle où il y a de l'eau. Si tu veux le temps que tu trouves, je voudrais juste dire un truc justement à propos de ça, c'est un passage qui pour moi est le plus ubuesque du film. C'est complètement hallucinant de se dire que ce mec qui veut pas se séparer de ses enfants, mais qui se dit, il faut que je sauve mes enfants, donc il faut que je me sépare d'eux pour y aller. Il part à des millions d'années-lumière de chez lui, voire des milliards d'années-lumière, arriver à, j'exagère mais c'est pour troller un peu le truc, à 5 bornes de la planète, il est obligé de demander mais qu'est-ce que c'est Gargantua, qu'est-ce que c'est machin, qu'est-ce que c'est qu'une catapulte gravitationnelle. Non mais attends mec, comment fixe que c'est trou de ver avant qu'il y rentre, mais attends, tu pars, tu sais même pas où tu vas. Enfin, il y a un problème. Non, mais c'est ça. Tu quittes tout, tu sais pas si tu vas rentrer, mais tu sais pas ce que c'est qu'un trou de ver. On prend un pauvre papier pour t'expliquer, même pas de théorie, rien du tout. On prend un papier, on fait un trou dedans, un crayon, et ça y est, quoi. Papier, voilà. Qu'un stylo. Non, mais tu vois, on disait ça tout à l'heure sur le passage sur Terre, mais ça, c'est typiquement ce qui aurait pu être placé avant, ce qui aurait dû être placé avant. Mais enfin, oui, eh ben, ça aurait dû être fait sur Terre, justement. Après, c'est des raccourcis vachement communs dans les films. Toujours, t'as l'impression que le mec, alors qu'il est censé être préparé depuis au moins quelques semaines, débarque complètement, faut tout réexpliquer, mais bon, c'est une facilité pour nous expliquer à nous ce qui va se passer. Voilà, c'est ça, c'est le seul but d'ailleurs, c'est pour nous expliquer à nous. Mais c'est vrai que ça, bon, après, ça te fait marrer parce que tu te dis quand même, si le gars il débarque comme ça à ce moment-là, il est mal, quoi, ça va. Ouais. Mais d'un autre côté, il débarque, on l'explique sur. Même si c'est un raccourci pour le film, le projet est déjà sur Terre. Quand il trouve la NASA sur Terre, le projet, il est déjà en gestation depuis pas mal de temps. Donc, même s'il y a peut-être des moments, des points sur lesquels on n'a pas eu le temps de tout lui tailler, la base fait est que la NASA travaille déjà connaît son sujet. Oui, bien sûr. Mais au final, même si pour le pilote, il sait pas tout, la NASA, elle doit connaître son sujet. Ils lui apprennent la relativité du temps une fois parti. Une fois parti, quoi. Oui. Ils lui disent non, parce que là, on va descendre, ça va prendre une heure sur le vaisseau. Il y a un pépin, tu pars pas des millions de kilomètres de chez toi en ne sachant pas une règle physique standard qui fait que tout va changer. Tu vois, enfin, c'est un peu difficile de mettre des mots sur ce que je pense, mais je me dis que c'est complètement taré, quoi. Il y a un moment où faut arrêter, quoi. C'est juste un subterfuge pour nous expliquer le truc, mais je pense que ça aurait pu être amené autrement, parce que là, ça le fait passer pour un gros débile, quoi. Mais après, c'est vrai que ça fait un peu. Alors le mec leur a dit. Ça le flatte pas trop. Ne dites rien, ça va mettre la pression. Dites-le-moi au dernier moment, parce que sinon je vais tout foirer. lui dis pas qu'il va risquer la mort, hein, parce que là, non, ce sera la surprise. Après, il y a encore cette histoire de temps, en dehors du voyage, du trou de ver qui est dans l'idée de, c'est de plier l'espace-temps dans l'explication un peu gros. Ah non, c'est pas ça, le trou de ver, c'est pas plier ensuite, l'espace-temps. C'est... Le schéma avec le... J'ai l'image du schéma qu'ils font avec le papier et le stylo, où en gros, ça leur permet de faire des raccourcis dans le temps. Ouais, en fait. Mais c'est surtout permet de communiquer d'un endroit à un autre de l'univers de manière... voilà, oui, plus rapidement. Ouais. Même quasi instantané, donc. C'est ça, voilà. Ensuite, la première planète sur laquelle ils vont atterrir... Attends, que je dise pas de bêtises, c'est sur cette planète où quand il se passe une heure sur cette planète, ça fait 7 ans dans le vaisseau, ouais. À l'époque du vaisseau, où ils vont partir à tous sauf un qui va rester dans le vaisseau, ils vont tous partir à l'exploration de cette planète couverte d'eau qui est un peu pataugeoire, hein, oui, pour faire un raccourci. Qui est assez... on peut c'est pas dans... c'est plutôt rigolo, c'est pas forcément méchant, mais c'est un peu bizarre, et il y a que de l'eau, et ils vont rien découvrir sur cette planète, c'est un peu bizarre d'avoir que de l'eau, et ils vont découvrir que le premier astronaute qui a été envoyé sur cette planète, et il est mort, c'est pas une femme sur cette planète. Si, il me semble. Mais c'est, non, ben, c'est important. Parmi l'heure. Non, mais dans cette scène, moi, c'est, le seul truc qui m'a dérangé, en fait, c'est que, ils arrivent sur cette planète qui est pleine d'eau, d'accord, admettons, l'eau, c'est la vie, machin, on peut potentiellement faire quelque chose. Donc, ils arrivent, ils voient que, effectivement, c'est pas possible, et ils cherchent l'émetteur. C'est ça? Ils cherchent l'émetteur oui, de boîte la... noire, je crois. Oui, mais ils cherchent qu'est-ce qu'ils émet, quoi. Voilà, pourquoi ils ont des signaux. Donc, elle sort chercher ça, et elle met un temps fou à le trouver, cet émetteur. Et là, d'un coup, quand vraiment, il n'y a presque plus le temps, ils envoient le robot. C'est vrai. À ce moment-là, je me dis, mais pourquoi ils ne l'ont pas envoyé direct, quoi? Il avait l'air bien plus compétent que la meuf. Donc, je me suis dit, ils ont perdu du temps à... Ouais, enfin bon, bref, voilà. Non, mais c'est vrai que t'as... C'est vrai que ça, ça m'a dérangé parce que je me suis dit qu'ils avaient quand même pas l'esprit très pratique. La chose que non. Je me suis dit, alors c'est mon impression, c'est que quand ils voient cette immense vague qui va tout secouer sur son passage, ils se réveillent un peu tard, je trouve, quand même aussi, hein. Même si ils voient des montagnes super loin et au début ils sont derrière. Je veux bien parce que c'est loin, d'accord, t'as pas non plus une vision parfaite, ok. Mais au dernier moment, enfin, s'il te plaît, le robot, comme dit Karine, le robot qui évolue pas très, qui envoie un peu tard. Et quand il se réveille, c'est limite si la spationaute qui est jouée par Anna Tawai, j'ai oublié la fille de Cooper. C'est limite si elle est pas au pied de la... Parce que la fille de Cooper, c'est pas la fille, c'est la fille oui. Brandt, docteur Brandt. De Brandt, pardon, je confonds. C'est limite si elle est pas au pied de la vague et qu'elle va se faire éjecter si le robot la sauve pas, quoi. Oui, et puis il y a cette scène aussi complètement hallucinante où ils perdent un membre de l'équipage. Mais ce membre de l'équipage attend comme un connard, faut le dire, derrière le vaisseau que le robot rentre. Et le robot rentre avant l'être humain. Allô, les lois d'Asimov, on s'entorche, on fait du PQ avec, quoi. C'est ça, en fait. Et puis, au final, ce spationaute, après, on l'oubliera complètement pour le reste de l'histoire, quoi. Bah, oui, depuis le départ, de toute manière, il est pas important. Oui. Oui. Ouais. Tu le sens au début quand on sait pas son nom. c'est vrai que dans l'idée, ouais, c'est un peu ça. Parce que il faut toujours un manœuvre ou un commis, donc voilà, c'était lui. Non, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est, on se le redit à plusieurs reprises dans le film. C'est-à-dire que ces robots-là, quand même, sont très évolués. On sent qu'ils ont des capacités qui sont intéressantes. Même à plusieurs reprises, c'est utilisé par les astronautes. Effectivement, sur certaines situations, dont celle-ci qui était quand même la plus criante, ils auraient quand même pu faire. Bon, après, évidemment, ils se doutent pas. Moi, j'avoue que je suis pas aussi sévère avec eux sur cette planète-là parce que. Voilà, c'est un nouveau monde, c'est un monde qui est extrêmement différent de celui qu'on connaît. A priori, quelque chose à l'horizon qui a cette taille-là, Bon, et nous, c'est forcément tout de suite des vagues. Bon, on sent que c'est pas non plus une grosse préparation du voyage. On sent qu'ils ont pas, ils ont sans doute pas énormément observé cette planète pendant le temps où ils ont gravité autour. Mais de toute manière, ils savent pas. Oui, ils ont pas d'informations. Ils savent pas du tout. Ils ont une minuscule. Oui. Moi, je les pardonne de leur ignorance, mais je me choque pas. Et le fait qu'ils soient surpris, pas plus que ça, mais le fait qu'ils manquent un peu de jugeote, ça, par contre, c'est vrai. Enfin, moi, je vous rejoins sur ce cas-là. Bon, ils improvisent, quoi. Ah bah, oui. Grave. Hein. C'est logique. Mais d'ailleurs, c'est, je crois que c'est à ce moment-là seulement qu'on voit que le robot peut à ce point être agile. Oui, qu'il peut se déplier de plein de manières différentes et pas juste deux gros bâtons qui bougent à la manière d'un ciseau. Ouais. Mais moi, je les ai trouvés géniaux, quoi, les robots. Ah ouais, vraiment top, quoi. Ils ont plus de personnalité que celui qui est cané juste avant d'entrer dans le vaisseau, quoi. Mais non, mais c'est vrai, faut être honnête, ils ont plus d'importance, carrément plus d'importance que ce pauvre mec-là. Mais non, puis même l'idée qu'on se fait tout le temps d'un robot super évolué, il est presque sous forme humaine, quoi, on va dire. Et puis là, pour une fois, c'est trois bâtons, quoi. Et ils ont su l'articuler pour que ça soit quelque chose d'hyper maniable, hyper souple. Enfin, moi, j'ai trouvé que je suis amoureuse des robots, en fait. Surtout que c'est un clin d'œil au monolithe de Minerva. Ouais. C'est de l'espace, a été dit par Nolan. Ça me dit quelque chose. On peut en acheter des robots. Ah oui. Ouais. Ah, chez Lego, ils ont fait les robots. Ce que j'ai bien aimé aussi sur les robots, c'est le coup des pourcentages dans les réglages. Quand le robot au décollage tente de leur faire un peu d'humour, mais que c'est complètement raté, tu sais, plusieurs fois, avec les différents réglages, c'est le réglage humour, le réglage sincérité, le réglage... tous ces petits points-là, ouais, ça donne des... Le fait qu'ils en jouent aussi, ça donne un peu... Ça fait une interaction qui est assez sympa avec le robot, et ça les met un peu en valeur, ouais, c'est vrai. Je voudrais revenir sur un truc, sur l'appréhension de cette planète où ils atterrissent. Oui, il y a quelque chose d'assez fort aussi, c'est que les mecs, ils arrivent sur une planète qu'ils connaissent pas. Bon... Par un outil qu'ils ont et qui leur est propre, ils arrivent à déterminer la gravité. Donc ça, déjà, ça montre qu'il y a une technologie qui est extrêmement avancée. D'accord? Ça permet de placer ce niveau de technologie. Ouais. Quand ils arrivent, ils savent, avant d'arriver, qu'il y a de l'eau. Ils savent qu'il n'y a pas de profondeur. Ouais, voilà. Oui, qu'ils ont pas de dispose, oui, exact. Qu'ils ont pied. Mais par contre, ils sont pas foutus de localiser au centimètre près un émetteur qui n'a pas la même couleur que l'eau, qui n'a pas la même température que l'eau, ils sont pas capables de voir ce cadavre qui, soi-disant, est mort une heure avant, donc qui est encore théoriquement un petit peu chaud. Je veux dire, tu vois, il y a un delta technologique entre les deux actions, tu vois, je trouve. Et surtout que quand tu les vois repartir en urgence de la planète, enfin redécoller en urgence de la planète avec le spationaute qui est encore mort, le deuxième spationaute qui est mort, je veux dire, tu le vois en train de flotter au ras de l'eau. Donc c'est vrai que c'est étonnant de se dire pourquoi le premier tu l'as pas vu comme ça aussi, quoi. D'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est dit, c'est 130% de l'attraction terrestre sur cette planète. Oui. Alors comment, avec ce vaisseau-là, ils arrivent à sortir de l'atmosphère aussi de cette vite. Planète Alors que quand tu regardes, pour sortir de la Terre, il a fallu quand même énormément de carburant, quand tu réfléchis. Énorme fusée pour se décrocher. Là aussi, bon, c'est un petit... C'est vrai que tilté à ça, mais c'est énorme, en fait. Non, mais c'est ça, parce que ça suffit pas. Bon, avec beaucoup de volonté, ça suffit pas. Donc, c'est un détail. Ouais, on est méchant. On est méchant parce que le film est plutôt globalement bon, alors on est quand même chier de rester sur des détails comme d'accord. Ça. Non, d'accord, on analyse quand même. Et par contre, j'ai une question pour vous, si vous avez compris quelque chose, parce que moi, j'ai beau la revue, je crois que c'est la quatrième fois, j'ai toujours pas compris. On est d'accord, une heure, ça fait 7 ans sur le vaisseau. Oui. Ouais. Ce qui se passe sur cette planète, ça dure clairement pas une heure. Et alors, vous pourrez me dire, oui, bah il y a les ellipses parce que c'est un film, ça va pas durer une heure, mais il y a aucun moment sur ce qui se passe sur cette planète où on pourrait éventuellement placer une ellipse. Tout s'enchaîne à une vitesse pas possible, puisqu'il y a des cas d'urgence dans tous les sens, et à aucun moment on pourrait placer éventuellement une ellipse là-dedans, où ils ont joué aux cartes, fait un tsunami, je sais pas, fait un sudoku, pardon. À aucun moment c'est possible de placer un truc. Donc en gros, ils sont restés 30 minutes, mais pourtant il s'est passé 25 ans quand ils sont rentrés. Je n'ai pas compris le moment truc-là. De l'ellipse. 23, pardon. Le moment de l'ellipse, c'est le moment de la discussion quand ils ont perdu donc un des astronautes et quand Cooper et Brandt discutent. C'est là le moment de l'ellipse. Oui, mais il y a un moment où on comprend ou pas? Il y a un truc. Mais il y a un quand truc où ils doivent attendre 45 minutes que les moteurs sèchent. Quand les moteurs sont noyés, t'as déjà une heure qui passe. Hein. Ouais, mais d'accord, mais il commence dès qu'il dit ça, l'autre il se retourne, il commence à engueuler la bonne femme engueule le mec. Je veux dire, il se frite comme des porcassins et au bout de cette conversation où il n'y a pas une seconde où il s'arrête, où il discute, normalement il se frite juste la tronche. Et juste là, pouf, t'as le vaisseau ou un robot qui dit attention, il y a la vague qui arrive. Ouais. Et puis, bien sûr, elle est à 4 cm, il faut vite partir, quoi, tu vois. Et puis, les réacteurs sont pas bons, mais t'inquiète, on va les allumer quand même. Même s'ils sont pas bons, c'est un film, on peut les allumer. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à placer, moi, une ellipse là-dedans. Mais il le fait souvent, ça, dans ces films. Est-ce qu'il y aurait pas une ellipse entre le moment, pour faire un peu, en se basant sur la vague, où au début, la vague, elle est très loin. Et puis au final, quand il se réveille, la vague, elle est au pied. Enfin, ils sont au pied de la vague. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moment où il y aurait l'ellipse, quand il tourne un peu autour du vaisseau, avant de trouver un peu les différentes pièces? Non, mais je pense que... Vous avez quoi? On fait une pause, on va aller regarder cette séquence, et puis on vous redit. Ouais, bon, c'est un... Non, mais il a raison, parce que... mais ça, enfin, je trouve que Nolan le fait souvent dans ses films, c'est-à-dire que t'as la discussion qui, effectivement, c'est quoi? C'est 3-4 répliques, et là, tout d'un coup, on est déjà sur la scène d'après. Mais il n'y a pas de... Enfin, c'est pas net. Bon, après... effectivement, c'est un peu déroutant, mais c'est pas... Mais s'il y a un moment où on peut la placer, l'ellipse, moi, ça me dérange non, pas non, qu'il y ait l'ellipse. Pas de... mais pour moi, il n'y a pas un moment où on peut la placer non, réellement, non. Parce qu'il se frite la tronche, ouais. Parce que forcément, il y a un mort dans l'affaire, et encore, je trouve qu'ils prennent le truc un peu à la légère, mais tout de suite après, la vague arrive, oh bon, c'est bon, on se fritera plus tard, on envoie les réacteurs qui, normalement, c'est pas possible, mais on peut quand même, et puis on y va, tu vois, donc... Je sais pas, moi j'ai jamais compris cette scène, pourquoi il s'est passé tellement de temps. C'est vrai que la seule engueulade quand ils s'en vont définitivement de cette planète-là, c'est de dire on n'était pas préparé. Ce qui est vrai, hein, mais ils cherchent même pas à en tirer les conclusions ou quoi que ce soit. C'est, en même temps, c'est une évidence. Oui, mais. Comment tu veux qu'ils se préparent à une planète qu'ils connaissent pas? Tu vois, je veux dire. Cette remarque est aussi un peu débile, on n'est pas préparé, J'en sais rien, j'imagine, mais je te dis. Tu connais pas grand chose de cette planète. Ça s'est mal passé sur la première. Tu rentres, tu dis, on n'était pas préparé. Allez, on part sur la deuxième et on fait la même chose. Je veux dire, la deuxième fois, de ce que je m'en souviens, ils cherchent pas non plus à y aller à tâtons. Enfin, ils cherchent moins à y aller à tâtons et à se dire, on s'est un peu rasé sur la première. On va éviter des gros problèmes sur la deuxième et de perdre quelqu'un d'autre, quoi. La deuxième, quand ils arrivent, pour faire la transition sur cette seconde planète, sur cette seconde planète, ils tapent quand même un nuage, ça monte, enfin, même si ça veut le nuage d'un autre côté, bon, tu peux pas le voir, ça montre quand même qu'ils sont peut-être un peu brutaux dans la manière où ils explorent. Je sais pas si c'est l'impression que c'est l'impression que tu me dis maintenant, même si au final c'est pas choquant quand tu regardes le film, en mode normal, je veux dire. Non, moi je pense, enfin, moi je l'ai vu comme une information pour nous dire que la planète est très froide. Oui, c'est vrai, ouais, un peu de ça aussi, ouais. C'est vrai que oui, forcément, parce que ça, comme ça, ça leur donne une indication que ça se passe mal. Et donc, en arrivant sur cette seconde planète, c'est la seconde planète où le précédent explorateur a réussi à s'installer. Cette fois-ci, c'est Matt Damon qui est basé dans cette, qui est basé sur cette planète. Matt Damon. C'est ça. Le mec qui est toujours paumé dans l'espace et qu'on doit toujours aller chercher en urgence. cette fois-ci, il a réussi, est-ce qu'on dit, on le dit direct? Ils vont tomber sur Matt Damon qui est endormi, qui a réussi un peu à s'installer, qui est en hyper sommeil dans son abri de survie. Et qui va réussir à réveiller. Et la première chose que j'ai trouvée assez étonnante, c'est que quand il commence un peu à discuter avec lui, cette planète-là, Matt Damon leur dit, à la surface, il y a de quoi y vivre. Oui, et alors c'est très hallucinant parce que on comprend très rapidement quelque chose, c'est que la surface, pour lui, c'est plus bas. Oui. Et ça, c'est chelou parce que n'importe qui a un petit peu des notions de géologie, c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir une surface plus bas. Enfin, moi je me trompe, c'est ce qui m'a paru bizarre aussi, que il te vend le truc comme là où je suis installé c'est un peu pourri, mais si tu vas plus bas c'est mieux. Mais alors pourquoi tu t'es pas installé plus bas alors, quoi? Pourquoi t'es allé dans ce machin, dans cette sorte de montagne un peu gelée où visiblement c'est un peu la galère pour se déplacer, il n'y a pas grand chose autour de toi. Pourquoi t'es pas allé plus bas, quoi? Ah, alors là, tu viens de me donner une petite explication, parce que tu vois, moi, je voyais pas ça comme une montagne, mais comme une deuxième surface supérieure. Du coup, ça oui, se tient, en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est une deuxième surface supérieure, mais c'est vallonné, quoi. C'est ouais, ce que je voulais dire, c'est vallonné. Vallonné, en fait, tu vois. Moi, j'aurais vu un peu comme une deux couches, l'une superposée à l'autre. Et pourquoi ça m'a fait penser à ça? C'est surtout qu'à un moment, ils sont en plein milieu de deux couches. Puisqu'il tape les nuages, et puis tu vois qu'il y a des rochers oui. qui sont au-dessus et en dessous. D'ailleurs, scène magnifique, rochers au-dessus, en dessous, tout est fermé. Comment mais ils arrivent il fait à y jour. Rentrer, ouais. Et, mais même pas, à la limite, il y a un truc quelque part. Il fait jour comme si le soleil était à l'intérieur. Ça, c'était génial, mais moi, ça m'a choqué tout de suite, mais bon. Voilà. C'est les oui, c'est vrai que t'as un peu raison là, c'est vrai que t'as un peu raison là-dessus. Mais au final, quand, ce qui est étonnant, c'est que les spationautes qui arrivent, ils le croient dès le début. Bah, d'un côté, ils connaissent pas la planète. Donc, puis c'est compliqué a, de, on a c'est compliqué d'avoir film, un doute. Et puis, on a passé Pardon tout le film à t'expliquer que c'était le meilleur d'entre nous. Ce qui est déjà, ce qui déjà doit te mettre le doute sur le fait que c'est le meilleur. On t'explique, voilà, que c'est un peu lui qui a été un des moteurs de ce projet, qui a poussé les gens à s'engager, dans le fait d'aller explorer des planètes et de peut-être pas en revenir. Donc voilà, enfin. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire, surtout que lui, ces fameuses données qui sont envoyées, les données rudimentaires, sont positives, sont continues. Ce qui d'ailleurs crée. Parce que avant d'aller sur cette planète-là, il y a la discussion sur quelle planète on va. Il y a donc cette planète-là, oui. qui est la planète du Dr. Mann, et il y a la planète du Dr. Edmunds, qui lui avait des données prometteuses, mais a arrêté d'émettre. Donc là, on ne savait pas trop ce qu'il en était de ce côté-là. La planète du Dr. Mann. En plus, je crois que c'était la plus près, mais elle était aussi qui émettait toujours. Donc, c'est aussi ça qui a penché dans la balance, en plus du fait qu'il y a une discussion sur le fait que le docteur Brandt est amoureux du docteur Edmunds et que ça l'incite à être partial dans son jugement et à vouloir aller sur la planète du docteur Edmunds. Donc, finalement, Cooper convainc tout le monde d'aller sur... Enfin, force un peu, d'ailleurs, oui. tout le monde à aller sur la planète de Mann. Mais d'ailleurs, ouais. c'est une scène parfaitement ridicule quand elle explique qu'elle est amoureuse parce que elle met son amour comme une possible dimension peut-être perçue par les gens qui est intemporelle et sans limite. J'ai trouvé d'un niais, ça n'avait rien à faire là. Autant tu mets ça dans un film d'amour, ben ça va très bien dedans. Mais là, dans un film qui parle de physique et de choses comme ça, ce passage-là, je me suis dit mais pourquoi ils nous foutent un bout de coup de foudre à nos signes? Quoi, ça n'a rien ça, à ça enfin... apporte ça apporte une ça apporte une engueulade dans l'histoire et ça dans le choix c'est pas du genre oui juste oui bon où est-ce qu'on va on fait un peu du plouf plouf c'est parce qu'ils n'avaient pas d'explication ils ont cherché un truc à voilà la c'est ça mais c'est ouais, plutôt de faire con, un peu hein, du au pif on va sur l'un ou l'autre quoi même si c'est un peu apporté bizarre mais en même temps ça se raccroche à quelque chose qu'il y a à la fin parce que quand on bon on s'en ouais, mais c'est niais ce truc là oui mais tout seul j'aurais dit c'est niais avec la fin c'est plus que niais c'est-à-dire que c'est un élément quand même c'est un élément important oui enfin moi je l'ai considéré comme important parce qu'à la fin quand même on nous dit plus ou moins que l'amour transcende il le redit c'est Cooper qui le ouais, dit mais, oh, franchement enlève cet élément du film il y a rien qui change on est d'accord rien ne change mais en fait c'est tout le mystère de la fin je crois que chacun l'interprète un peu comme il veut et enfin, moi, je ressens ça comme important parce que je peux pas croire qu'on en mette une touche. Parce que ça dure quand même 5-10 minutes, la discussion autour de l'amour, justement, au moment du choix des deux planètes, enfin, d'une des deux planètes. Et on t'en reparle à la fin. Et puis, c'est quand même un élément important de tout ce qui se brasse aussi sur le film, l'amour du père et de la fille. Enfin, moi, il m'a semblé que c'était aussi quelque chose, peut-être d'aussi important, peut-être plus même que d'autres choses du film. Mais bon, après. Ouais. Donc après, pour continuer sur cette planète, donc en dehors, ils vont donc réveiller, ils vont, comment il s'appelle, Matt Damon, j'ai oublié son nom, Dr. Mann, va leur vendre le fait qu'il y a une autre surface. Bon, on passe les détails, mais qu'il y a une autre surface où la vie est possible. Il va tenter de les emmener un peu dans cette. Bon, mais alors là, il faut revenir sur un truc du début qu'on a oublié de dire. On a oublié de dire un truc, c'est que dans les solutions A et B, la solution A mettait une chose qui n'était pas finie quand ils sont partis en compte, parce que c'est là qu'elle intervient justement. On en a pas parlé. L'équation. Vas-y, je vois pas de quoi tu parles, mais vas-y. Mais tu sais, l'équation qui doit être faite par le père Brandt et qui manque, il a pas réussi à finaliser son équation, ce qui va permettre aux humains d'aller plus loin, ouais. De partir de la Terre, tu vois. Ah oui, oui. Et c'est exact, oui, c'est ouais. Là justement où il y a ce retournement. Quand parce que c'est à ce moment-là où sur Terre le père Brandt meurt et sur son lit de mort il dit à la fille Murphy donc qui a grandi et qui est devenue scientifique auprès du père Brandt que c'est une grosse arnaque qu'en fait il avait déjà fini son équation avant que tout le monde parte et qu'en fait c'est pas possible, c'est juste pas possible, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que oui, on a été concentré sur l'évolution de l'expédition. On a un peu oublié de préciser et bon, c'est le moment d'en parler. Qu'il y avait, oui, bon, autant en parler maintenant. Ouais, parce que c'est le moment le plus important. Donc. Que en parallèle de l'expédition qu'on suit, on a également des séquences de la vie sur Terre avec donc les enfants de. Les enfants de Cooper de Murphy et son fils le fils de Cooper qui ont grandi et on va donc aller voir un peu les voir envoyer des on va voir Joseph Cooper recevoir régulièrement des messages de ses enfants, notamment quand il revient de la première planète, il a 23 ans de messages d'informations à regarder. Et on voit donc ça permet de montrer que en attendant sur la planète ils ont grandi et de montrer et il y a une réflexion qui m'a trouvé assez bizarre c'est que il y a un message où il y a Murphy qui contacte son père et il y a le Joseph Cooper qui lui avait fait une promesse que il serait revenu avant que Murphy ait atteint l'âge de son père au départ. Et elle lui envoie un message pour lui dire « Tu vois, aujourd'hui, j'ai le même âge que toi quand t'es parti et t'es toujours parvenu. » Et après, oui, on s'en suit tout ce retournement de situation quand on arrive sur la deuxième planète où avec cette fameuse équation et où les astronautes vont se taper sur place quoi parce que il y a des problèmes et ils sont pas tous d'accord quoi. L'objectif pour Joseph Cooper c'était de revenir sur Terre avec une planète où on pouvait aller s'installer pour continuer à faire vivre l'humanité et au final l'objectif de ce voyage qui était un peu caché dès le début, c'était de juste de coloniser une autre planète quoi. Voilà, de coloniser de d'emmener avec eux des fœtus, enfin c'est des fœtus, enfin des semences pour faire entre guillemets pousser de nouveaux humains et coloniser cette nouvelle planète à partir de rien quoi. Avec cette fameuse engueulade où on va avoir ce fameux moment où il y a Joseph Cooper et Dr. Mann. Pourquoi tu l'appelles Joseph depuis avant? Je comprends pas en fait parce que à Joseph, aucun moment on entend son prénom. Non, oui, mais c'est parce que pour vous cacher, j'ai une fiche du film devant les yeux et c'est le prénom d'accord. qui est associé au personnage. D'accord. Ok, parce que je crois que à aucun moment du film il le dit son prénom justement. Je crois pas. Hein. Il me semble bien, oui, t'as sans doute raison. C'est pour ça que ça m'étonnait, je me suis merde, j'ai vu ça. Que je vois ça, c'est vrai. Mais avec cette fameuse scène où on va voir où il y a donc Cooper et Dr. Mann qui s'en vont un peu loin, un peu à l'écart pour essayer de découvrir cette fameuse surface qui est soi-disant vivable et où casser le masque Dr. Mann va casser le masque de Cooper et où même si on voit Cooper qui en bave qui est à deux doigts de la mort lutte. Ouais. Qui lutte vraiment difficilement, j'ai quand même trouvé, je sais pas si c'est le raisonnement, que cette scène et ce moment est un moment assez important parce que c'est le gros retournement de situation et le moment où tout le monde découvre que ça va pas quoi. Et avec le Cooper a son casque de fissuré, il met quand même beaucoup de temps avant de perdre tout son air, j'ai eu l'impression. Il met du gaffeur comme dans Non mais par contre il y a une grosse erreur là film, c'est vraiment une erreur énorme, je comprends pas que ça soit passé, ou alors moi il y a un truc que j'ai pas compris, mais vas-y. Il enlève la possibilité à Cooper de communiquer par radio, on est bien d'accord. Oui. Donc, oui, il enlève l'émetteur longue distance. Ouais. Ah, longue distance. Oui. De ce que j'ai compris, c'est qu'il rajoute un sort de petit module qui permet d'augmenter la portée, pour faire simple. Ah, d'accord. Ouais. Puis après, il le récupère, d'un autre côté... de toute façon. Oui, non, mais parce que pendant tout le temps où il l'a pas sur le masque, il continue à communiquer. L'autre, il lui fait tout son laïus. Tu vas voir la tête de tes enfants. Je peux pas te regarder souffrir. C'est trop affreux. Le sadique, en plus. Mais je peux pas te regarder mourir. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, mais pourquoi tu lui parles? Il a enlevé son récepteur. Mais bon, j'avais pas compris que c'était longue distance. Du coup, ça change tout. Alors, j'ai rien dit. Il y a pas vraiment, enfin, c'est assez bizarre. Enfin, il y a pas vraiment d'explication non plus parce qu'on te dit, prends un émetteur longue distance, on s'en va. Oui, quoique ça se tient, parce que c'est à partir du moment où il récupère qu'il contacte les autres. Donc oui, c'est moi qui avais mal compris le truc, en fait. Mais d'un autre côté, enfin, là, si on rentre dans le technique, au final, quand il perd l'émetteur longue distance, ils ont toujours ils arrivent à discuter en courte portée, ils arriveraient toujours à discuter entre eux, ce qui serait assez bizarre. Mais bon, là, si on rentre dans le technique, on va un peu perdre tout le monde et c'est pas le sujet de cette émission. Alors, mais oui, les fréquences d'émission des messages radio. Ah, moi, je pourrais, hein, mais tout le monde s'en foutrait. Mais... Eh bien, vas-y, c'est ton moment. Oui. Non, on s'en passera. Dommage. Avec ce fameux retournement de situation, avec notamment encore un comment dire, où ils vont encore. On va y voir Dr. Man qui va réussir à s'échapper de cette planète avec le vaisseau grâce auquel la deuxième expédition avait atterri sur cette planète. Et ils vont eux aussi, la deuxième expédition va partir en urgence pour tenter de récupérer Cooper qui est à deux doigts de la mort. Avec toute cette scène où il y a une explosion sur cette planète avec le robot qui sort en urgence. Et j'ai une réflexion d'ailleurs qui vient de m'arriver. Je suis en train de penser aux robots. Et quand ils sont dans l'habitat de survie de Dr. Man, il y a un moment, il y a un plan où tu vois le robot qui est complètement éventré. Et... Oui, mais c'est pas celui-là. C'est l'autre. C'est le deuxième. Enfin, le troisième du coup. Oui, un troisième robot qui a été emmené avec lui d'origine, si j'ai bien compris. Qui est complètement éventré et où Dr. Man dit bah on s'est battu parce que il était persuadé d'avoir fait une découverte et au final bah c'était faux. Mais si on suit le raisonnement complet est-ce que ce serait pas parce que Dr. Man a triché sur les données qu'il a envoyées à la Terre qu'il a décidé de mettre chaos, ce robot, bah si. Bah oui, c'est ça. Pour ne pas qu'il ne réussisse. Ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est pour que personne puisse récupérer les données de ce robot afin de dire, mais attends, tu t'es foutu notre gueule, on vient pas te chercher, quoi, tu vois. Mais oui, puis même le robot l'aurait peut-être sûrement empêché. Oui, oui. Donc, c'est logique. Oui, non, c'est logique. Et t'avais pas percuté ça la première fois, non? Bon. Oui, d'accord. Non, c'est un éclat que je viens d'avoir là à l'instant. Okay, une révélation. C'est ça, une lumière est apparue. Avec donc ensuite sur cette planète cette deuxième évacuation en urgence, avec ce sauvetage également en urgence de Dr. Cooper qui est à deux doigts de s'étouffer parce qu'il n'a plus d'oxygène. Et avec Dr. Man qui va tenter qui s'échappait également lui avec un des vaisseaux et qui va tenter d'aller s'amarrer pour rentrer sur Terre parce que lui il souhaite rentrer sur Terre et qui va aller tenter de s'amarrer sur le Endurance, oui voilà, avec toute cette fameuse quand il va s'amarrer que ça ne va plus aller et qu'il va tout casser. Voilà, ça va péter, grosse explosion, tout le monde s'effraie dans le cinéma quand ça arrive d'ailleurs. Oui. À chaque fois, ça me plaît. Ouais, ouais. Avec un point que j'ai, même si, oula, avec un point que j'ai trouvé un peu étonnant, qui est étonnant. C'est le quand Dr. Man tente de se ramarrer à Endurance. Excellente scène d'ailleurs. Il a plein de. Excellente. Oui, c'est vrai qu'elle est pleine de suspense, ouais. Avec ces fameux crochets qui n'arrivent pas à atterrir. Et ouais, avec toute la radio et ouais, tout ça, c'est assez tendu à ce moment-là. Ouais, mais tout ce passage là, enfin moi je trouve que c'est vraiment très bien fait pour le coup. Et ce qui est très drôle, c'est que on a beau te dire, eux ils ont beau lui dire qu'il n'arrivera pas à s'amarrer, et ben pourtant t'as quand même l'impression qu'il y arrive. Jusqu'à ce que ça explose, t'as vraiment l'impression qu'il est en bon point, ouais, quoi. Mais on voit quand même que ça va pas super bien avec notamment ces sortes de crochets là qui arrivent pas bien à s'attraper. C'est ce truc qui te met en doute. Mais sinon, tout le reste, il arrive, il se raccroche, machin, il est contre, tout se passe bien, tu vois. Donc, t'es partagé, tu sais pas, à ce moment, la première fois que tu le vois, tu sais pas si... En fait, ils ont peut-être menti, il va peut-être quand même pouvoir s'arrimer, ils ont juste les chocottes, tu vois. Tu sais pas, moi, ce serait... Bah, est-ce que le fait qu'on ait vu le film, j'ai l'impression que ça me semble évident qu'il veut s'amarrer pour se barrer loin et que... Ah oui, oui, bien sûr, c'est le but, c'est son but. Oui, parce que, pas, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, là, on a un peu listé tout ce qui se passait sur la planète et puis le moment où il redécolle, mais c'est vrai que pourquoi il y a toute cette précipitation dans les événements, c'est parce que quand ils apprennent la vérité sur le fait qu'il n'existe pas de plan A et que le plan B a toujours été le plan, le plan qu'il fallait appliquer, Cooper se dit, bah moi, vous, je vous laisse ici sur cette planète, vous appliquez le plan B et moi je rentre. Et à ce moment-là, ça met le plan justement du Dr Mann en l'air, parce que lui, son plan, c'était justement que quelqu'un vienne le chercher et qui se barre pour retourner sur Terre parce que voilà, c'était une supercherie et que de toute façon sa planète c'était pas la bonne et que lui au final il se croyait courageux mais finalement il se rend compte qu'il l'est pas et il veut tout simplement. Et comme Cooper va lui se barrer pour retourner sur Terre, bah à ce moment-là lui il faut qu'il l'élimine. Donc il y a ce premier point où il essaie de l'éliminer effectivement en le faisant s'étouffer. Et puis à ce moment-là, il élimine donc le scientifique qui était venu, qui réparait le fameux robot qui avait été désossé et qui lui meurt dans l'explosion. Et il y avait la professeure Brandt, elle, qui s'occupait un petit peu de commencer à installer le camp, tout ça. Et à ce moment-là, tout se précipite, effectivement, Mann, lui, va vouloir se barrer, se raccrocher à Endurance. Effectivement, il lui explique en long, en large, mais lui, bon, de toute façon, coupe rapidement la communication, il veut pas écouter. On sait que c'est un astronaute brillant, il le prouve, parce qu'effectivement, comme tu dis, il est vraiment pas très loin de réussir sa manœuvre. Moi, je me demande d'ailleurs si c'est pas le fait qu'ils aient désactivé la possibilité de s'amarrer automatiquement. Ah bah oui, bien sûr, c'est ça. Parce que finalement, il a essayé d'activer une fonction, et ça lui a refusé. Il est pas, voilà, enfin, a priori, à part les petits crochets, il y a rien qui machine. Ben, c'est pour ça que je te dis qu'on est un peu dans l'incertitude de la réussite du truc. C'est bah, d'où une surprise. On sait pas vraiment parce que au moment où il essaie d'activer une fonction, je sais plus à quoi elle consiste, et ça lui a refusé à chaque fois. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il c'est pour l'amarrer automatiquement, faire le. Pouvoir aborder Endurance de manière automatique et ça lui a refusé, donc il est obligé de le faire manuellement. Et c'est très drôle parce qu'il répète la phrase à voix plus haute et plus méchante, un robot qui n'est sûrement pas en mesure de capter l'intention de sa voix, oui. En pensant que ça va passer. C'est génial. Oui, mais ça, c'est l'humain en tant que tel. Hein. C'est comme une télécommande, il n'y a plus de pile, t'as plus c'est fort vrai. Dessus. C'est vrai. Au téléphone, dans un train, même si ça capte mal, tu parles plus fort. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est... Tu t'énerves, tu crois que la machine, elle va comprendre et qu'elle va, elle va t'obéir. Hein. C'est comme ça, c'est l'être humain. On retrouve des traces de l'être humain, même dans l'espace. Avec, bah, notamment... Oui, donc, Endurance qui est complètement éclatée, avec donc ce... Et surtout qu'il part en rotation. Oui, cette rotation qui est très, enfin qui est importante et qui donne une scène assez impressionnante quand ce deuxième équipage tente de, bah, le deuxième équipage qui contient notamment Cooper et Amelia et la fille du docteur Brandt qui vont eux tenter justement de réaborder Endurance pour pouvoir qui vont tenter de réaborder Endurance, je sais plus si c'est l'objectif de rentrer sur Terre ou de découvrir une autre planète. J'ai un doute à ce moment-là. Et là, on a à nouveau une scène qui est extrêmement épique, puisqu'on est vraiment dans le stéréotype américain, tu vois, l'américain qui domine de toute façon la machine. C'est très marrant. Oui. Parce qu'il demande à la machine, donc à un robot, de calculer le pourcentage de rotation ou la vitesse de rotation. Je crois qu'il donne un pourcent. Il dit, c'est 35%. Et il dit, à quelle vitesse notre vaisseau peut se mettre à tourner? Il lui dit, 33%. Alors il dit, tu vas à 35%. La machine, qui sait exactement les calculs, lui répond, c'est impossible. Et lui, il répond, tu as raison, c'est obligatoire. Et du coup, comme il a dit ça, formule magique, code, eh ben, ils arrivent à aller à 35% de rotation. là, je me suis dit, non, arrêtez, quoi, de se foutre de la gueule du monde. On vient de te dire que, mécaniquement, ce n'est pas possible. C'est pas parce que t'as dit, c'est obligatoire, qu'on va y arriver, quoi. Oui. Non, tu vois, là, c'est ces moments-là où, moi, ça me sort du film, quoi. Où on prend le spectateur du film et on dit, t'es un connard, t'as vu? Je viens de te dire une grosse connerie, mais tu vas le prendre pour argent comptant. Et pouf, on te remet dans le siège. Pour moi, c'est ça, quoi. À ce moment-là. Mais, sur le raisonnement, je suis d'accord avec toi. Mais après, enfin, quand tu réfléchis, enfin, dans le contexte, quand t'es dans le film, t'es immergé dans le film depuis déjà, ça fait un bon moment déjà que t'es dans l'histoire, que t'es à fond dedans. Si t'es en plus t'es allé voir au cinéma, t'es vraiment bien immergé. Quand cette scène-là arrive, avec tous ces événements après, déjà t'es un peu tendu. Au final, pour moi, ça m'a pas choqué que ça. Quand il réfléchit après, oui, sur la phrase où quand le robot lui dit, ça fait pas punchline, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que la punchline de quand le robot lui dit, c'est pas possible, et l'autre il dit, c'est une nécessité. Je suis d'accord avec toi que ça fait très punchline. Bah mais oui, sur l'instant, c'est punchline, j'ai lâché un code magique, c'est bon, 35%, c'est bon, j'ai trouvé le bon code, le mot de passe, et puis voilà, quoi. Ça doit dépendre un peu des personnes, parce que oui, ça fait très punchline quand tu le vois, tu sens que ça fait punchline, mais c'est vrai que ça fait très punchline. Non, c'est pas ce qui est plus choquant. Quand tu vois ce qu'on t'a déjà fait passer avant, bon, oui, mais plus ou moins, de toute façon, c'est pas très gênant. Il y a ça, et puis il y a aussi l'habitude, enfin, ce genre de truc, t'en as dans tous les films. Ouais, mais pas des films comme Interstellar. Ouais, à limite, pour moi, ça va pas là. Moi, franchement, c'est la scène. Franchement, ben, moi, j'ai vraiment adoré, quoi. C'est une très belle scène. Tu sais quoi, moi, ça me fait vraiment penser au mec qui a le joystick en main, qui arrive à en buter du joystick et qui dit, c'est pas grave, je vais vous pousser plus fort. On va aller plus vite. C'est comme le coup de la télécommande, tu vois. Quand tu le regardes, et pourtant, j'ai vraiment, la première fois que j'ai vu, cette scène-là m'a vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment accroché. J'avais le poids de la musique, en plus, qui m'enfonçait dans le siège. Bon, ah bah, la musique, après, on n'aime pas ça, mais j'ai entendu ça. Je me suis dit, moi, c'est complètement con comme truc, évidemment, que voilà, tu te le dis. Il y a un voyant dans ta tête qui te dit attention c'est con. Mais en même temps, moi j'étais là, putain, j'y croyais, quoi, j'étais dans le truc, quoi. Moi la situation m'a vraiment bien englobé. Les dialogues, à la limite, c'est peut pas expliquer, évidemment, quand tu le revois, t'es moins dans le et moi, dans le vif du truc, tu te dis, ouais, t'as grosse punchline, les mecs, là, c'est bon, quoi. C'est David Caruso, c'est les experts, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Bon, on retrouve un peu que ça oublie pas ses origines américaines. Oui, c'est oui, un film non, mais voilà, c'est ça. Avec des gros clichés américains. Mais c'est, moi, franchement, l'habitude, en fait, il y a un peu de ça. Il y a la scène et l'habitude. L'habitude te rend un peu. Enfin, moi, me rend. Ça glisse un peu, quoi. Je sais que c'est con. Je sais que je suis con de pas plus m'attarder dessus. Mais en même temps, voilà, j'étais vraiment bien dans la scène, quoi. Donc, ensuite, quand ils arrivent miraculeusement à quand même aborder ce Endurance qui est en train de tourner sur elle-même dans l'espace complètement n'importe comment avec plein de débris tout autour d'elle, il va réussir à la stabiliser et tant que je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils vont retraverser le trou de verre. Non, pas du tout. Non. Ils vont. J'ai un trou de mémoire. Ils le partent. Leur objectif, c'est de retourner sur Terre. C'est bien ça. Non, justement, parce que oui, alors il faut retourner sur Terre, mais comme ils se rendent compte que l'équation n'est pas bonne, oui. Il y en a un des deux, je crois que c'est Cooper, qui ne savait pas ce que c'était qu'un trou de verre, qui ne savait pas ce que c'était qu'une fronde gravitationnelle, mais là d'un coup se dit, il faut que j'aille au centre du trou noir pour choper les codes de la gravité, tu sais, le mot de passe qui fait que l'équation sera juste après. Non mais c'est fou, tu vois, le mec il comprend rien deux secondes avant, et là d'un coup il dit, il faut que j'aille au centre du trou noir, tu vois. Et surtout, ça veut dire qu'il a conscience et qu'il connaît le possible état d'avancement de l'équation gravitationnelle qui a été recherchée sur Terre par le docteur Brand. C'est ça. Donc ensuite, oui, ils vont repartir sur Terre avec cette fameuse scène où tu vas découvrir. Non, il part pas sur Terre. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de vous suivre là et j'ai. Non, en fait le alors, truc c'est que là ils ont un choix, enfin ils ont un choix à faire parce qu'il n'y a pas de toute façon assez d'énergie ou de carburant pour déjà ramener tout le monde. C'est ça. On est d'accord. Voilà. Tout à fait. Oui. Bon, repartez de là alors. Bah non, mais là en fait. Alors remets les choses en place. Ouais, toi, t'entends beaucoup en plus. Et je vous écoute et du coup, j'essaye de suivre. Et tous les défauts là que vous soulignez, c'est moi ça s'est bien passé. Hein. J'ai pas. D'accord. Ça m'a pas posé de problème quoi. Hein. Même le c'est coup de la flûte américaine, ça t'a pas choqué plus que ça. Même si au final, mais moi ça m'a pas choqué non plus. Quand tu réfléchis maintenant, je me dis quand même c'est un peu gros voilà, quoi. Non, pas forcément, ça dépend, voilà. Mais après, mais c'est vrai que c'est des points de détail dans un truc qui dure 3 heures. Quoi, ouais, voilà, moi je rejoins l'avis de Fab, ça passe parce que je suis dans le film, et puis bon, on se doute bien qu'à un moment donné, il y aura un truc un peu gros. Bon, bah voilà, il faut quand même qu'il y ait une partie qui accroche un certain public. Ouais, ça doit être fait pour ça, c'est ça que je me dis, quoi. Mm. Mais après ça, à la première fois que tu le vois, je sais pas trop si tu remarques, quoi. C'est plus la deuxième où t'as le temps d'analyser. Oui. Je sais pas, moi, ça m'a sorti du film à chaque fois. Ah, ouais, sans plus, mais ça dépend surtout des personnes, hein, parce que apparemment, vous êtes... Fab et toi, Kenton, ça vous a un peu choqué. Non. Quand tu revois le film, c'est des trucs, tu le sais, mais... En fait, voilà, c'est ce que je disais au début. Ouais, j'ai accepté. C'est comme... ça sourire, ouais. Franchement, j'ai accepté. C'est pareil que dans certains films où ils sont en pleine action, en pleine fusillade, et puis ils sortent une vanne, quoi. Tu te dis, bah non, on sait très bien oui, que personne ne fera ça, et tu te barres en courant, t'as pas le temps de parler, quoi. Mais bon, bah voilà, là, ils en mettent un bout. Bon, bah tu le prends, puis c'est tout. Voilà. Allez-y, continuez. Donc, qui c'est qui repart sur Terre? 8 personnes, c'est ça. Ben non, justement, dis-nous ce qui se passe là. Justement, j'étais en train de dire une grosse bêtise et j'ai un. J'étais en train de dire une grosse bêtise, donc vaut mieux que ce soit quelqu'un qui détaille mieux ce qui. Tu vois où t'en es, Karine, fais ce que tu veux. Vas-y, sinon. Mais t'es pas drôle, tu parles pas beaucoup, tu vois. Vous êtes parti sur le cœur du film et moi je j'adore le début du film. Alors je me dis une fois qu'on sera à la fin, je vais vous parler de tous les moments où je pleure quoi. Voilà. Alors, je vous laisse finir. Ah bah voilà. Bon donc en gros, là, il se pose la question effectivement comme a dit Karine, c'est qu'ils ont pas assez de carburant pour faire deux choses, c'est-à-dire ils ont pas assez de carburant pour aller sur la planète et aller sur Terre. Sur la dernière planète où il y a le professeur Edmund. Mmh. Voilà. C'est ça. Faut et donc, faire un sacrifice, faire un choix. Voilà. Mais Cooper, lui, il dit, non, il faut que j'aille au centre du trou noir. Déjà, c'est aberrant, cette idée, mais il faut que j'aille au centre du trou noir, tout ça, j'irai récupérer les codes secrets et je vous les envoie par mail, tout ça, ce sera nickel. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu comme joseph.cooper@wallaby.fr. Voilà, c'est ça, parce que tu le sais, ils le disent que rien ne peut sortir d'un trou noir, même pas la lumière. Mais non, lui, il va y aller, il va choper les codes et il va ressortir. C'est ça qui est très drôle. Mais pourquoi pas, c'est un film, on va admettre. Et donc c'est à ce moment-là où il va faire il va utiliser effectivement les principes du robot avec leur dose d'humour, leur dose de franchise, leur dose de machin, pour un petit peu avoir le professeur Brown fille en la mettant elle dans un vaisseau et lui dans un autre elle dans Endurance, lui dans un vaisseau et Tars dans un autre vaisseau encore et chacun va partir dans une direction différente. Tars va être propulsé sur la périphérie, je crois, du trou noir. Cooper va être envoyé en plein milieu du trou noir. Et Brown, qui s'attendait pas à ça, elle est propulsée vers la planète d'Edmunds. Mais si elle s'attendait pas à ça, elle s'attendait à quoi? À repartir dans le milieu du trou noir? Non, avec elle s'attendait à aller vers Edmunds, mais elle s'attendait à ce que lui vienne avec. Ah oui, elle s'attendait pas à ce que Cooper vienne s'en aille voilà, dans le trou noir. C'est ça qu'elle s'attendait pas, parce qu'il était défini avec elle qu'ils envoient le robot, et que le robot, lui, une fois arrivé sur place, envoie un SMS avec les codes. mais il pensait pas que lui allait partir en renfort pour configurer l'adresse mail, quoi. J'aime beaucoup ton image pour illustrer ça. Non, mais je te dis, c'est comme ça que je le prends. On te dit depuis le début, rien ne sort du trou noir, même pas la lumière. Et je suis sûr que tu fais regarder ça à Podcast France, ils vont se faire mal, hein. Parce que. Podcast Science, ouais. Voilà. ceux qui savent ce que c'est qu'un trou noir savent que rien n'en sort. Alors, c'est des choses qui sont en périphérie, mais bon, allez voir. Ah, attends. Stephen Hawking vous expliquera, mais là, c'est abusé, quoi. Le mec, il y va. Mais dès le début du film, quand même, il y a des communications qui arrivent à traverser ce trou. Hein. Dès le début, comment ça? Quand sur Terre, ils ont quand même quelques le informations trou de verre, très limitées. Ouais, le trou de verre, pas le trou noir. C'est des pings très basiques. C'est ça. Et en plus, c'est exactement comme ils le disent. Quoi, bon. Bah, ça permet de voir que la personne est toujours vivante, peut-être derrière. C'est ça, voilà, quoi. Mmh. Tu aurais qu'à la base, si tu fais un ping, autant envoyer un mail par-dessus, quoi. Je dis ça. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est des petits détails, tu vois. Mais tu te dis, mais si t'arrives à faire transiter un ping, tu rajoutes quelques petites infos. Genre, tu codes. On l'a bien vu dans Sol sur Mars. Tu mets de l'hexadécimal, ça passe nickel, apparemment. Donc. Oui, visiblement, oui. Tu vois, je veux dire. Bon, mais après, ça sert le film. Le truc évidemment. Du. Voilà, c'est vrai que voilà, t'as le passage où Cooper plonge dans le trou noir. Il y a toute une imagerie, ça rappelle d'ailleurs un peu 2001 l'Odyssée de l'espace d'une certaine manière dans la manière de voyager. Et le truc, c'est que moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment, c'est un peu à la fin du film, est-ce que c'est vraiment un trou noir? Est-ce que justement, on n'est pas dans cette partie un peu, comment dire, un peu sur, enfin, je sais pas comment expliquer. Surnaturel. Ben, c'est pas surnaturel justement parce que depuis le début, on l'a pas dit, mais il nous parle de ces îles qui ont mis le trou de verre, qui ont fait venir Cooper à la NASA. Il y a quelque chose, il y a un île et ce île, il est jamais défini. Tout le monde prend ça comme argent comptant. D'ailleurs, il y a juste Cooper, il demande au début quand même une fois, c'est qui île? Bon, bah, l'autre ne répond pas et je sais pas, va s'acheter un Twix, je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, le mec lui répond pas. Bon, visiblement, ça le choque pas plus que ça. Mais oui, mais on comprend qu'ils ne savent pas, qui est cette entité. Ça, le trou noir, effectivement. A priori, bon, il a bossé avec des scientifiques, Nolan. Bon, il a bien compris qu'un trou noir, c'est pas, il n'y a pas énormément de possibilités une fois que tu es dans un trou noir. Mais justement, quand il tombe dans ce trou noir, il arrive dans un endroit, alors je sais plus qu'ils appellent ça un tesseract, je crois. Oui, un tesseract. Et là, ouais. En fait, oui. On s'aperçoit que c'est en fait des millions et des millions de fois la scène, enfin la chambre de sa fille, en fait. Et là, on comprend que tout se raccroche, parce que du coup, on voit que c'est lui qui fait tomber les livres, c'est lui qui fait changer la gravité, c'est lui qui envoie les messages. Mais du coup, je vais un peu plus loin que le simple truc, mais on voit bien que c'est une construction humaine. Enfin, tout ça, c'est de la. Et on te le fait comprendre que. Moi, je suis pas d'accord. C'est ce que dit, parce qu'à un moment, la communication se rétablit donc, entre Cooper et son robot dans le trou noir, enfin, dans le Tesseract. Oui. Et à ce moment-là, le robot dit ce sont les humains du futur qui vivent dans un monde en 5 dimensions, qui sont parvenus à créer ça pour justement que Cooper puisse envoyer un message aux gens du passé. Mais alors, le temps est une dimension physique. Est-ce qu'il est vraiment dans un trou noir ou dans une représentation d'un trou noir? Parce que du coup, ça expliquerait peut-être un peu plus pourquoi pourquoi des choses peuvent en sortir. Un trou noir ou la représentation d'un trou noir, mais ce qui est intéressant, on peut déjà dire bravo pour la représentation. Voilà, ça fait partie des choses où, à la base, quand tu sais pas les expliquer, tu les imagines comme un petit peu, un peu irréel, ou comme là au départ on pense que c'est des fantômes ou des choses comme ça. Enfin, et c'est expliqué qu'à la fin, quoi. Tout ce qu'on sait pas expliquer à l'heure actuelle, on imagine un truc métaphysique ou je sais pas quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, à la fin, t'as un morceau de solution, quoi, un morceau d'explication. Ça fait une sorte de ça, comment dire? C'est l'explication des problèmes, enfin des constatations mystérieuses du début qui sont résolues durant toute cette scène avec cette ces communications, voilà, et t'as le lien. Cette tentative de message. Et il y a un moment aussi où quand ils commencent à décoller, quand ils partent, où t'as un espèce de semblant de main qui rentre dans le vaisseau. Le professeur Gros. Au début, il croit que c'est un premier serrage de main. C'est quand Cooper est dans cette partie comment t'as dit que ça s'appelait ? Moi, je sais plus. C'est quand il en parle. Voilà, c'est là qu'on voit que qu'il peut avoir accès à toutes ces parties. C'est là que tout est expliqué. Hein. Tous les moments. Ouais. Après, ce qui est génial, c'est que ce Tesseract est censé être une vision du temps et il est censé pouvoir. Il le dit lui-même. Hein, il peut se déplacer comme il veut et accéder à n'importe quelle période du temps. Bon, il alors, le comprend certes, pas coup, tout de suite. Ça casserait l'ambiance du film. Non, oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est quand il comprend, il sait qu'il va devoir donner des infos à la fille par le biais de se remonter le temps, on va dire comme ça, parce que c'est difficile de mettre des mots. Mais il le dit, il peut remonter dans le temps qu'il veut. On voit que la chambre de sa fille, mais on devine quand même que le Tesseract a une distance. On le voit quand il tombe, puisqu'il tombe très très très profondément dedans. On voit qu'il a une possibilité de voyager dans le temps absolu. Pourquoi il va pas régler tout simplement le souci de la Terre, à la limite ? J'extrapole peut-être, mais tu vois. Ouais, j'allais dire que le Tesseract était extrêmement bien réglé pour tomber dès le début sur la chambre de sa fille. Mais moi, je crois qu'il n'y a que la chambre de sa fille, en fait, dans ce truc-là. Il me semble qu'on voit à un moment on voit une partie du salon de la maison. Oui, non, mais ça reste la maison, quoi. C'est que quelque chose début, qui est. Mais oui, ça reste la maison. De toute façon, depuis le film, on nous fait comprendre que c'est ces deux personnes-là que les phénomènes se tournent. Alors certes, ils peuvent en découvrir d'autres, la NASA en découvre d'autres qui sont liés, tout ça est lié dans la même chose, mais au final, au début et à la fin, c'est toujours le père et la fille qui sont concernés par ces messages-là. Enfin, on voit bien que ça tourne autour d'eux, quoi. C'est vrai que les autres sont un peu mis de côté, ouais. Et moi j'ai justement du mal avec cette phrase où il dit, en fait, c'est pas une entité, c'est nous, plus tard, qui avons mis ça en place pour nous sauver de nous d'avant. Je vois pas ce qui lui permet de dire ça. Je vois pas à quel moment il est évident que ce n'est pas une entité. D'ailleurs, c'est très étonnant pour un film américain qu'ils n'ont pas placé Dieu dedans, mais encore heureux d'ailleurs. Mais je veux dire, heureux, content. D'habitude, ils le font. Mais même, j'aurais vu. Alors, c'est peut-être parce que je suis fan, mais j'aurais bien vu une entité extraterrestre. Enfin non, forcément c'est extraterrestre puisque ça sera plus sur la Terre. On est d'accord. Mais je veux dire une autre race galactique. Je sais pas comment dire ça. Une autre espèce galactique. Qui aurait pu mettre ça beaucoup plus avancé. Mais pourquoi dire l'humain ? Je vois pas ce qui le pousse, ce qui lui permet de dire c'est l'humain, mais plus tard, en fait. Moi, ce que tu mets un peu. C'est un peu quelque chose. Alors évidemment, c'est un peu se faire chier pour pas pour. C'est un peu se faire du mal. C'est vrai. Mais en même temps, tu te dis s'il y a un être qui visiblement est au fait de l'histoire de l'humanité, donc a priori un humain. Un humain du futur, un humain très évolué, qui est capable de mettre en place tout ça pour qu'on puisse sauver la Terre. Mais est-ce que tu m'as vraiment besoin de... Parce que c'est ça. Finalement, en fait, d'avoir eu les conditions qu'on a au début du film, c'est-à-dire cette Terre, cette humanité qui est prête à s'éteindre, visiblement, dans le futur, ça a quand même donné une humanité qui est capable de jouer avec des dimensions inconnues jusqu'ici pour l'humain. Et finalement, est-ce que le fait de sauver l'humanité telle qu'elle est au début du film, c'est pas une régression ? Enfin, moi, c'est bon, j'avoue que je me fais chier pour beaucoup, j'en suis conscient. Mais c'est bizarre. Non, mais c'est vrai, non c'est bien vu. C'est bizarre. Non, mais t'as pas tort. Ça crée le paradoxe temporel qu'il y a dans tous les films dès qu'on touche au temps. Hein. C'est ça le truc. C'est que. C'est bizarre comme. Non, mais moi, je kiffe, c'est parti de sa mère, c'est tout. C'est vrai qu'ils sont devenus tellement. La supposition est qu'ils sont devenus tellement. Puissants dans le futur qu'ils ont réussi à tout mettre en place et qu'ils ont réussi à se sauver d'eux-mêmes. C'est pour ça que j'aurais préféré qu'ils ne disent pas que c'est l'être humain. C'est vrai que ça, oui. Beaucoup plus de sens à dire que c'était une autre entité qui, à la limite, voulait sauver une espèce qui est en extinction et que la vie, par définition, veut sauver une autre forme de vie, mais pas c'est l'humain, il a évolué, mais bon, on va se sauver alors qu'en fait, on n'est pas mort. Donc, ça sert à rien de le sauver vu qu'on n'est pas mort, vu qu'on a évolué. Aucun intérêt. Donc mais là on, là tu pousses un là on suit un raisonnement que si au final quand il est dans la cinquième dans le monde en cinq dans le Tesseract, si au final il ne transmet pas les coordonnées et il fait pas toutes ces interactions dans la chambre de sa fille, je vais avoir mal à la tête hein. Au final ils auront pas évolué au début du film, il ne trouve pas les coordonnées. Et donc, il tombe pas sur la NASA, et donc, il arrive pas dans son fameux Tesseract. Et donc, on peut supposer que l'humanité se meurt et que, fin du film, c'est une fin très décevante, mais c'est tout, quoi. Que finalement, il n'y a plus de raison d'avoir ce film s'il ne cède pas lui-même, si l'humanité ne se sauve pas d'elle-même. Tu vois. Ça fait un peu mal au crâne, mais... Pour moi, ça me semble clair, hein, mais c'est un peu mal au crâne, c'est pas forcément hyper évident à expliquer. Dès que t'as un film qui traite du temps, t'as toujours ce genre de paradoxe temporel qui se met en place et qui dit que si l'un, machin, c'est le paradoxe des jumeaux, c'est toujours le même problème. Oui. Et là, le truc, c'est qu'on part dans des sujets où on n'a rien dans notre monde réel on peut se baser sur rien dans notre monde réel pour ça. Donc, c'est que des suppositions et le film ne fait que des suppositions sur cette idée-là. Et au final, ouais, c'est... Au début, on partait sur une petite base de réel, et plus on avance, plus on s'éloigne de ce monde-là pour partir dans de l'ultra-fantastique, et avec tout ce raisonnement du temps qui est quand même un peu tordu. Mais c'est ça aussi. Mais bon, au final... C'est tout simplement de la science-fiction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la... Ah non, oui, on parle fantastique, c'est de la là, science-fiction. Je suis désolé. À un moment donné, faut qu'on l'a... Il y a quelque chose... Il y a une part de nous-mêmes qui doit accepter ce qu'on nous propose. Enfin, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que à la fin du film, c'est tu te dis bon, reprenons. Il y a un moment, ce passage dans le Tesseract, il faut que tu l'acceptes, quoi, parce que tu comprends pas que une entité. Enfin, tu comprends pas d'avoir tel truc, un tel enchevêtrement de scènes d'un passé qui sont en fait les scènes du passé de ce personnage et qui peut se mouvoir dedans. Enfin, c'est évident que c'est pour ça que c'est un peu difficile au début et ça te scotche un peu parce que tu te dis mais quoi, c'est quoi ce truc là? Forcément t'es obligé de l'accepter pour aller plus loin. Alors après nos raisonnements, nous, parce que le film ça fait un an qu'il est sorti, voilà, on a eu le temps de cogiter un petit peu, d'avoir chacun sa propre vision des choses et puis par rapport aux éléments que ça nous donne, mais de le voir plusieurs fois sur le coup, enfin c'est sûr que voilà, il y a une part d'acceptation, faut se laisser faut se laisser aller à l'idée, parce que sinon c'est pas, non, tu sors, quoi. C'est pas possible. Oui, c'est sûr. Bah, rien que le fait très comique, il est près d'un, si on comprend bien, il est proche du centre du trou noir. Et pendant tout le film, ils n'arrêtent pas de nous répéter que dès que la gravité augmente, le temps ralentit. D'accord, c'est une évidence, puisque c'est quelque chose de réel, c'est pas une chose inventée pour le film. Mais étant donné qu'il est au centre, presque au centre du trou noir, le petit moment qu'il y passe dedans devrait passer des milliards d'années en dehors de ce trou noir à l'extérieur, tu vois, donc... Oui. Et au final, à la fin tout à la fin du film, on apprend qu'il a 120 ans. Donc, comme ouais, ça, c'est ouais. À peu près dans ces eaux-là, quoi. Donc oui, si on suit le raisonnement jusqu'au bout, ça, le temps 120, qu'on imaginait passer très vite, ça passe vite, mais pas tant que ça non plus, quand même. Ouais. Surtout qu'au début, ils ont quand même perdu au moins 20 ans sur la première planète. Et peut-être encore, et je sais plus s'ils perdent encore du temps quand ils vont sur la seconde planète par rapport ils doivent en perdre un peu, mais un moment, c'est vrai, sur une petite, sur un petit truc qui dure 2 ou 3 minutes, quand ils approchent du trou noir, il dit, mine de rien, cette petite manœuvre nous a coûté 51 ans, tu vois, un truc comme ça. Oui, donc au final, le passage dans le trou noir à la fin, ils ont pas perdu, le temps n'est pas allé si vite que ça quand tu réfléchis bien. Et bon, à partir de là, on n'a qu'à dire qu'il est sorti par la chambre de sa fille à une époque où c'était pas si vieux que ça, tu vois. Je veux dire, on n'est plus à ça près. Non, mais moi, vois. Je pense pas à tout ça, quoi. Enfin, une réflexion que je quand me fais. Quand tu regardes le film et que t'es dans la partie du Tesseract, comme vous dites, enfin, déjà, rien que réussir à mettre en image cette idée. Putain, c'est super beau, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Déjà, bon, vous critiquez même... toute la c'est partie. C'est une vision, c'est mathématique à la base. Tu peux te laisser emporter par le film. Enfin, quand même, faut reconnaître que quelqu'un qui est capable de mettre comme ça visuellement une idée pour qu'elle te paraisse à peu près concrète, hein, c'est moi je trouve ça déjà pas mal, quoi. T'as tellement de films où ils expliquent et t'as tout un tas de dialogues à la con qui servent à rien parce qu'il faut que tu comprennes et que t'admettes le déroulement. Là, t'as une image et tu la comprends en même temps que le gars qui arrive dedans, quoi. Et moi, ça me va, ça. Je vais pas chercher beaucoup plus loin, quoi. Tu te dis, bon, bah, le gars, il est en train d'avoir toutes les parties du temps qu'il veut, et une fois qu'il a compris ça, il choisit là où il a envie de revenir. Et c'est logique, c'est un père, bon, bah, il revient au moment où ça a clashé avec sa fille. Enfin. Mais j'ai une question que je me suis posée que je me pose maintenant, pas dans le film, hein, mais à y réfléchir et à y cogiter pour cette émission, c'est quand il est dans le Tesseract, si finalement il donne les coordonnées à sa fille, pourquoi il cherche pas à remonter plus loin dans le temps pour essayer de faire en sorte que l'humanité ne détruise pas la planète Terre ? Non, pardon, vas-y. Non, vas-y. Mais par pur égoïsme, bah c'est logique. Enfin, tu vas sauver ta famille. Cherche pas plus loin, t'en as quelque chose à. Oh, mais elle serait d'office sauvée. Elle serait sauvée également. Il sauverait sa famille plus d'autres êtres humains, quoi. Ouais. Ouais, c'est une grosse question. C'est une grosse question, mais... Comme ça, sur l'instant, ouais, c'est super logique. C'est vrai que sur l'instant, il cherche à se sauver. C'est vrai que, oui, il pense un peu plus à lui qu'à la planète en règle générale. Et dans l'instant, j'ai dit, vu la situation, même si c'est complètement irréel, dans l'instant, oui, il pense à rediriger tout ça. C'est tout simplement, après, voilà, ouais. On part dans des trucs, d'accord, bon, et on aime bien se faire un peu de mal, mais c'est dans la logique tout simplement du film, évidemment. Et le film bien a sûr, sa propre oui. logique. Ben c'est autrement, ça. Après, ce serait infernal, oui. C'est ce qui est intéressant, c'est que nous, on livre des explications, mais évidemment, c'est pas forcément ce qu'on dit là, c'est évidemment pas forcément la vérité, c'est pas forcément ce qui se passe. Mais c'est vrai que, de toute façon, tout ce truc-là ne répond pas à la question pourquoi. Pourquoi tout ça ? C'est-à-dire que pourquoi ça, de cette manière-là, pourquoi ces personnages-là ? Ça ne répond pas. Le film se répond déjà sur 3 heures, c'est déjà pas mal de se répondre de manière satisfaisante. À partir de là, mais voilà, moi ça me satisfaisait comme au premier visionnage, j'ai pas cherché à toutes ces explications derrière. C'est après, bon bah tu te demandes, parce que quand même tu te dis c'est bizarre, machin. Mais c'est vrai que sur le coup, moi ça m'a satisfait de voir ça comme ça, c'est bien fait. De toute façon, bon c'est voilà, on en a pas beaucoup parlé, mais c'est un très beau film visuellement, voilà, il y a pas grand chose à dire. Enfin en tout cas moi j'ai pas été déçu quoi. Et cette scène là est, enfin c'est surréaliste quoi, comme de la manière dont c'est fait, dont c'est représenté. Et effectivement c'est ce que tu disais est très vrai, c'est c'est on beau. Comprend assez rapidement ce qu'il faut faire, pourquoi ça s'est fait de cette manière-là, et la beauté de cette mosaïque un peu, c'est très beau. Après, c'est sûr qu'on peut extrapoler sur plein de choses. Ah, mais ça, c'est sûr. si tu le prends juste dans l'instant, la première fois que tu le vois, moi je suis restée scotchée, j'ai vraiment trouvé ça super. C'est magnifique, ouais, pareil. Super et tout, voilà. C'est vrai que ça fait, et puis c'est le gros côté, c'est une des grosses scènes finales. Je veux dire, c'est pas la grosse scène finale, mais c'est une des grosses scènes finales. Ah bah si, pour moi c'est quand même la grosse scène finale. Après, il y a quand même blabla. Ouais, quoi. Là, c'est curieux de savoir. Oui, c'est beaucoup de blabla. Quelle autre grosse scène tu vois encore après, tu vois. Je dirais pas grosse scène, mais il y a un point encore émouvant derrière. C'est une fois toutes ces histoires de Tesseract. Où il y a toutes ces questions qu'on s'est posées durant toute cette émission. Ils viennent le chercher. Comment il en sort de ce Tesseract, mais si il est retrouvé par une patrouille dans l'espace et qu'il est près de Saturne. Oui, et ils sont, d'ailleurs il a réussi à traverser le trou de verre via le Tesseract au final, mais et finalement, il est retrouvé par une sorte de patrouille qui le ramène dans cette sorte de base de vaisseau dans lequel l'humanité s'est installée. En attendant de trouver une nouvelle planète. C'est logique. Voilà, enfin... c'est ça, quoi. C'est une sorte de maison secondaire en attendant, avec notamment, on arrive, toute cette sorte de scène, cette scène finale. Le moment, les retrouvailles en fait. Moi, le moment dont je dis un peu émouvant dans l'idée, c'est la retrouvaille entre sa fille qui est à l'hôpital là, avec la famille, et lui quand il se revoit pour la fois suivante, quand ils se retrouvent, et où finalement ils ont tous les deux compris tout ce qui s'était passé précédemment, et c'est un ça sert pas le film, mais c'est un moment assez, oui, c'est quand même, pour moi c'est un des gros moments encore un peu émouvant du film. Moi je trouve que c'est la scène la plus ratée du film. Non. Comment ça, le plus raté du film? Attends, le mec il veut pas partir parce qu'il veut rester avec sa fille. On comprend que son fils, il n'a rien à branler, il sait qu'il fera sa vie. Oh, le voilà. Raccourci. Mais son fils, dès le début du film, il est un peu mis de côté. Il est mis de côté dans l'histoire, on va dire. Alors, je suis pas d'accord, mais vas-y, termine. Et il a gardé la voiture, il était mais content. Mais vous faites des raccourcis. En fait, tu vas au ciné, tu poses ton cœur et puis voilà, d'accord. Par contre, t'oublies pas ta calculatrice, ouais, non, mais... j'ai bien compris. Ça, non, ça, c'est vrai. Non, mais le mec, on sent le lien qu'il a avec sa fille qui est plus fort que l'envie de sauver l'humanité, on le comprend. D'accord. Il sauve l'humanité parce qu'il sait que c'est le seul moyen de sauver sa fille. Bon, allez, admettons. Sinon, alors, vas-y. C'est un peu le message du truc. Mais il revient, il voit sa fille qui est au ras de la mort. Au lieu de passer du temps avec elle jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là, parce qu'on sait qu'il lui reste pas des semaines à vivre, il discute 10 minutes avec elle. Son premier mot, c'est « En plus, tu lui as dit que j'aimais travailler au champ. » Ça, c'est hallucinant. Cette phrase, c'est typiquement un film américain. Okay. Typiquement. Ça, pour moi, ça gâche tout le contact qu'il peut y avoir entre toutes ces années qui sont passées. Il reste 10 minutes après et il part rejoindre une pièce dont il n'avait rien à faire. Attends, la fille lui dit aussi de partir. Non, mais... Oui, elle lui dit de partir. Hein, il y a... Mais... Il y a aussi un moment où, justement, quand il retrouve sa fille dans l'hôpital, tu vois, il y a toute la famille qui est autour. Et à ce moment où ils se parlent tous les deux, ce qui est rigolo, c'est que la famille, elle disparaît. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, et, alors, oui. Oui, voilà, c'est vrai que la famille, on l'oublie complètement. C'est pour un peu symboliser le côté un peu fusionnel, quoi. Il se rapproche tellement que tout ce qui est autour n'existe pas, quoi. Il n'y a plus rien autour. Je vais trouver l'image plutôt sympa. Bon, voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'était pas grave. Oui. Le côté. Enfin, moi, j'ai abordé le côté émouvant sur cette dernière scène. Bien sûr que c'est émouvant, mais le combat d'une vie pour discuter de 10 minutes et partir en vaisseau. Qu'il le vole en plus, rejoindre quelqu'un dont il sait même pas ce qu'elle est devenue. Parce que faut pas oublier un truc, c'est que si sa fille a cet âge-là maintenant, théoriquement, Brandt, elle devrait aussi avoir beaucoup plus d'années, ce qui n'est pas le cas. Je dis pas qu'elle doit être aussi vieille, mais elle doit avoir beaucoup plus d'années puisque Brandt n'est pas allé dans le trou noir, donc elle a vieilli de même manière que sa fille théoriquement. Ouais, mais après, on n'a pas d'explication sur la planète ou sur Brandt. Non, c'est vrai. On n'a aucune explication de tout ça. Et peut-être, parce qu'on, ça peut être que des suppositions, mais est-ce que ça pourrait pas être la supposition également que sur ces histoires de temps, que quand le temps passe sur la planète, sur cette troisième planète pour le professeur Brandt, est beaucoup plus lent que le temps passé. Et finalement, vu qu'on a aucune explication, on est un peu. Tu prends ça comme ça. Le raisonnement se tient, mais on a rien qui nous l'explique et on est obligé d'accepter parce qu'on a rien pour dire oui ou pour dire non. En même temps, ça fait 3 heures. Oui, c'est le flou qui est mis en place pour. Oui. On peut pas. C'est vrai que c'est la fin où on a déjà bouffé pas mal d'action. Ouais. La scène de quand ils se retrouvent, moi je trouve qu'elle est belle. Très sincèrement, j'ai failli. Non, pas dit qu'elle était pas belle, hein. Je dis qu'il l'avait raté. Hein. Non, mais très sincèrement, j'étais très proche des larmes. Parce que. Ah, voilà. Bah, moi je les avais carrément. Bah, alors, elle n'est pas ratée si elle a réussi à te faire non, pleurer. Non, mais elle est très belle parce que. À la fin, à la toute fin, quand il se jette dans le trou noir. Il se dit de toute façon qu'il ne reverra plus sa fille. Enfin, c'est à ce moment-là où tu sens très bien que lui veut se sacrifier, parce qu'il veut surtout que des données soient envoyées. Donc après, par mail, par fax, bon, ça, c'est la question. Mais là, c'est le moment où lui, il sait de toute façon qu'il ne reverra pas sa fille. Finalement, par ce concours de circonstances, il la revoit. Mais d'une certaine manière, le fait que ça ne dure pas longtemps... Déjà la scène est quand même assez émouvante parce que c'est quand même quelque chose, c'est une représentation très rare dans le cinéma de voir l'enfant de quelqu'un bien plus âgé que lui et sur le point de mourir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle lui a dit, les parents ne doivent pas voir leurs enfants mourir, c'est pour ça qu'elle lui dit de s'en aller. Mais il y a aussi l'aspect que il échoue, enfin finalement lui il échoue parce que son truc du départ c'était de revoir ses enfants, c'était de les sauver en pouvant les revoir après et les revoir suffisamment. Mais moi, pour moi, cette scène, ça symbolise juste le fait que, il a, mine de rien, il a échoué, même s'il la revoit un tout petit peu, c'est quand même un échec. Oui, parce que tout le monde l'attend. Le truc, c'est. Tu l'attends depuis le début. Ça reste quand même un échec. Enfin, il la revoit, mais c'est pas du tout comme ça qu'il voulait la revoir. Et c'est pas du tout. Et je pense que. Ah non, ça, c'est sûr. Voilà, on le voit pas dans le film, et c'est pas du tout la manière dont il imaginait que ça se passerait. enfin voilà, c'est aussi ça qui est beau, c'est que c'est quand même inéluctable finalement. Effectivement, il la revoit, mais c'est pas pareil. Ce sont deux vies qui se sont séparées à un point et qui ont jamais pu de nouveau être ensemble. Et finalement, ces cinq minutes-là, c'est juste pour dire, ben voilà, finalement, chacun de notre côté, on est parvenu à quelque chose qui fait qu'il y a une situation provisoire pour l'humanité qui est pas trop mal. Mais elle lui dit, ben moi, je vais mourir, mais toi, t'es encore dans la force de l'âge, va retrouver le professeur Brandt, ou en tout cas, va sur la planète du professeur Brandt, et puis, voilà, va vraiment trouver cette nouvelle planète. Enfin, moi, tout ça, pour moi, c'était vraiment très, très beau, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, on a ce qu'on retrouvait plus tôt, c'est un manque de finesse. Ouais. C'est clairement un manque de finesse que de faire emballer l'histoire en 5 minutes. Toute sa vie, il a bataillé pour retrouver sa fille. Et là, il arrive, 5 minutes. Oh, tu as dit que j'allais au champ. Sympa, la maison. T'as vu, j'y vais, machin. Bon, allez, j'y vais, il faut que j'aille recoloniser la planète avec Brand. Non, pour moi, c'est trop raccourci. Là, il manque 5-10 minutes de conversation. Il manque une ellipse sur 2-3 jours, où il va l'avoir 2-3 jours. Et au bout d'un moment, elle lui dit, bon, ça va, ça fait une semaine qu'on se voit. On a échangé, on s'est raconté nos vies, vas-y. Là, ouais, là, il y a du sens. Tu rajoutes 5 minutes, ça va, on est à 2h30, tu mets 2h35, on n'est pas à ça près, quoi. Une version longue. Allez, ils nous sortent une version longue où là, la conversation, elle se passe sur plusieurs jours et ça rétablit le truc pour moi. Ça m'a moins choqué, ouais, franchement. Je sais pas. Ça m'a moins choqué. Je veux qu'ils disent... Oui, c'est... Oui, pourquoi pas. Et donc, après, une fois, donc, toute cette situation là, dans ce vaisseau proche de Saturne... avec cette solution provisoire pour l'humanité, on a ce dernier plan, et on arrive sur la fin du film, avec le professeur, la fille du professeur Brandt, qui est sur cette nouvelle planète, et qu'on croit au début qu'elle est seule, et qu'il n'y a rien, et puis au final, on voit qu'il y a quand même un campement qui est installé, et ça nous laisse sur le film coupe, et... Voilà, c'est la fin. Interstellar, dans 2 ans. Elle enlève son casque aussi. Oh là, j'ai du mal. Elle enlève son casque pour. Ah oui. Bah voilà, quoi, il faut. Mais qui peut montrer que l'air est respirable sur place. Avec cette question que moi je me suis posée, dès le film, et que je pense que tout le monde se pose, c'est quand on voit quand la caméra tourne et qu'on voit ce sort de campement, est-ce que, selon vous, là c'est juste de la vie, est-ce que selon vous, c'est juste elle qui a installé tout ça, ou est-ce qu'il y a une sorte de colonisation et qu'elle aurait retrouvé quelqu'un, enfin qu'elle aurait retrouvé le premier explorateur qui a été envoyé sur cette planète. Il est mort, elle lui fait une stèle. Donc oui, elle récupère le campement. Mais récupère le campement qui était déjà installé. Leur... Oui, mais voilà. Pour moi, il y a des gens qui sont venus sur cette scène-là. Oui, c'est la réflexion que je me suis faite, c'est que même si après peu importe le temps qui est passé. Il y a quand même c'est quand même pas mal installé quand même, quoi. Même si c'est encore provisoire, il y a quand même pas mal de matériel qui est déployé, partout. Ça me paraît beaucoup pour juste une seule personne, un campement. Oh la vache, s'il va rejoindre une femme seule, je te dis pas la gueule de la génétique quand tu auras les enfants qui feront les enfants avec les cousins mais et les non, machins. Ils ont une tonne ça a de Christine Boutin, mon gars, tu vas rien comprendre. Sur le projet. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus combien elle a de milliers de petites pépites d'embryons quand elle. Là, de sa ruche, là, pour refaire une... Bah ouais, c'est bon, oh, t'inquiète pas. Oui, elle a 2 ou 3 sortes de gros blocs, là, congelés, ouais. Et avec... oui, il y en a quand même beaucoup, ouais. Bon, bah on aura quand même fait un bon tour. Ah, mais moi, je te parle toute l'année. Vous voulez dire quelque chose qui... Non, si tu trouves que c'est... T'as fait le tour de ton film, c'est bien. Bon, moi, j'ai bien aimé justement le vaisseau. Enfin, je sais pas, je appelle ça un vaisseau, j'en sais rien. Le truc qu'ils ont recréé où justement on retrouve la fille avec l'âge qu'elle a et toute la population qu'ils emmènent avec eux. J'avais bien aimé. Il tourne sur lui-même. Quoi ? Comment ça ? Oui. Le fait qu'il se soit circulaire et que. Elle est recréée pas vraiment par le gravité, centre, quoi. Enfin, j'imagine. Je sais pas. Je veux pas être nerie. Mais, ça, oui. Ouais, voilà. J'ai bien aimé ça. C'est. Oui, ouais, c'est voilà. De force et ça m'avait fait penser à un bouquin que j'avais déjà lu qui était, qui utilisait justement ce même genre de vaisseau où, c'était recréé comme ça. Bah, comme dans Seul sur Mars. Comme dans Seul sur Mars. Attends. Oui, dans Seul sur, oui, dans Seul sur Mars, le, si vous l'avez vu, le vaisseau qui permet de traverser, d'aller jusqu'à la planète Mars, il y a une énorme partie circulaire dans laquelle il n'y a pas de, quand tu marches, tu n'as pas l'impression d'avoir la tête à l'envers ou la tête à l'endroit, quoi. Oui, parce qu'il y a de la gravité. C'est une sorte d'énorme anneau et qu'il y a plus de choses de vie qui s'enchaînent. Et l'idée vient de 2001, Odyssée de l'espace. Enfin, l'idée vient, je veux dire, le premier à avoir fait ça, c'était Kubrick dans 2001. C'est vrai que c'est quand même sympa, avec cette petite scène qui est juste rigolote, où t'as où ils ont quand même, où t'as cette fameuse, des personnes qui sont en train de jouer, là, je sais plus si c'est au baseball et qui arrivent à casser une vitre d'une maison qui est au-dessus de eux. Pour une situation qui, pour leur faire réaliser que c'est un vaisseau de manière assez, un vaisseau particulier. On dirait un tube, en fait, un tube qui donne sur l'intérieur. Et avec également cette autre partie un peu originale, on va dire, où tu vois, où ils ont transporté la maison de Cooper et qui présente à la manière d'un musée avec des télés avec les différents témoignages de la vie de l'époque. Oui, un genre de musée. Oui, ceux du début d'ailleurs, ceux du début du film. Oui, ceux du début du film, ouais, aussi, ouais. Au final, on retrouve quand même sous cette histoire et tout ça. On retrouve encore un morceau de la boucle qui au début, quand il réfléchit, au début ces témoignages, il t'explique un petit peu la vie sur Terre, mais tu sais pas trop pourquoi ils sont là. Et là, tu comprends un peu plus pourquoi ils sont là. Vous avez une dernière chose à dire, autrement on va conclure. Pour les fans de films de ce type-là, moi je voudrais quand même dire qu'il y a plein de clins d'œil au film Contact de Robert Zemeckis qui est sorti en 96, si je dis pas de bêtises. Il y a plein de petits clins d'œil. À 2001 Odyssée de l'espace et d'autres encore que je n'ai pas vu, donc mais je sais qu'il y a des clins d'œil à plein d'autres films et c'est super intéressant de les voir au fur et à mesure. Vous devez avoir moyen de trouver sur internet si vous êtes vraiment curieux, il doit y avoir des personnes qui ont fait un peu le tour de tous les clins d'œil qu'il y a et qui vous les feront remonter si vous voulez vous amuser à tous les retrouver. Donc Karine, Fab, quelque chose à dire? Oui. Le bouquin dont je parlais, c'était Le Papillon des étoiles de Bernard Werber, si y en a que ça intéresse. Et on retrouve justement le même type de vaisseau. Et il y a plein de détails sur justement tout le côté de la gravitation et tout ça. Et puis de comment ils recréent un peu d'agriculture et comment ils arrivent à vivre et à avoir un vaisseau autogéré comme ça. Voilà, ça c'est super intéressant. D'accord. Et puis voilà. Et puis je trouve que vous avez pas assez... Vous n'êtes pas assez attardé sur le début parce que moi j'ai trouvé ça trop mignon, la petite fille qui pleure. Oh. Et puis voilà. Oui, et puis un dernier point que j'ai oublié, pas encore mentionné, qui est l'importance de la musique dans ce film, enfin de toute l'ambiance musicale, toute l'ambiance sonore qui est rajoutée, qui a été composée, toute la bande originale qui a été composée par Hans Zimmer avec le thème principal que vous avez notamment entendu un petit peu. Au début de cette émission et que vous entendrez également un court extrait en conclusion de cet épisode avec ce thème principal que vous avez déjà sans doute entendu, qui est maintenant assez connu, utilisé dans différents, notamment à la télé ou dans des documentaires avec qui est assez imposant et qui donne une ambiance encore plus particulière au film avec toute cette et son d'orgue surtout. L'orgue fait beaucoup. L'orgue avec il est un peu planant aussi, très travaillé, ou quand tu vois que sur ça me paraît très travaillé, ou quand tu vois que sur la première planète, quand vous écoutez j'ai écouté la bande originale, et quand ils arrivent sur la première planète, tu retrouves un thème musical, une ambiance, quoi, qui est spécifique à cette planète-là. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et de base, j'aime beaucoup les ambiances, les branches originales de films. Et ça m'arrive d'en écouter de temps en temps certains morceaux que j'apprécie beaucoup. Souvent de films que j'ai bien aimé également. Et sur cette bande originale, il y a, une fois que je vais regarder ce film, que je l'ai regardé pour la deuxième fois il y a pas très longtemps, j'ai passé 2-3 jours à écouter en boucle la bande originale dans les oreilles. Pour me rappeler un peu toute l'ambiance de ce film, tellement je l'ai apprécié sur le moment et tellement je voulais m'en rappeler et retrouver cette sensation et que j'ai eue durant ce film. C'est un gros coup de cœur. Juste pour préciser, ça a été composé par Hans Zimmer. Tu disais, Kenton, quand on en off au tout début de l'émission, que on retrouvait que c'était du Hans Zimmer. Oui, c'est un C'est oui, c'est on bien, un style qui a un peu lui, sa patte, hein. C'est assez spécifique, mais ça passe bien, je trouve. Il a pas la patte habituelle, parce qu'il a plutôt tendance à faire de la musique très basée sur de la percussion, des trucs genre qu'on voit toujours dans des émissions dramatiques et ainsi de suite. Mais on retrouve quand même pas, parce que c'est un spécialiste des synthés, et là, il en utilise au taquet, et c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Bon, dans tous les cas, on retrouve quand même que on sent quand même qu'il y a une différence entre le que c'est pas un, que c'est pas un, une composition classique, on va dire. C'est vraiment une ambiance particulière qui a été rajoutée par ce côté musical. Il connaissait pas exactement l'histoire en profondeur. Je crois que Nolan lui a donné genre une feuille avec des grandes lignes et qui est d'ailleurs pas vraiment liée à l'intrigue principale. Et il a dû composer à partir de ça, quoi. Tu sais, moi, j'étais quand même vachement choqué hein, par le thème musical au début. Je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec le film. Et au fur et à mesure, tu... Tu veux dire l'orgue du début ? Non, non, tout le thème musical. Oui, l'orgue, le fait de les choix des instruments et tout ça. Je me suis dit, mais ça colle pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre pour un film qui parle d'espace, qui se passe dans l'espace, qui parle du temps ou autre chose. C'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et du coup, ça... Au début, t'as l'impression que ça jure un peu, et au final, non, ça colle super bien. Ça renforce l'ambiance. En fait, j'ai plus l'impression que ça colle à la tension du film qu'à l'environnement. Oui. Bah oui, quand t'as le moment où le vaisseau est largué dans le trou noir, t'as la musique assez forte qui m'a mis un peu les frissons quand j'ai regardé le film. Et quand nota aussi le moment où Cooper s'en va de chez lui et abandonne sa famille et notamment Murphy, où il y a également un côté très prestigieux un peu dans l'idée, et ouais, c'est assez sympa. Là, la musique, elle monte vraiment en intensité, quoi. En fait, il y a deux fois, je trouve, où la musique, elle prend beaucoup d'ampleur comme ça, mais vraiment tout au début, je crois. C'est quand on dans la voiture et que la roue crève, où là, le père lui explique pourquoi ils ont choisi avec sa maman de l'appeler Murphy, et là t'as la musique qui monte beaucoup. Et puis la deuxième fois, ouais, c'est quand il part et on entend la musique plus le compte à rebours de la du décollage. Ouais, il y a les deux choses en même temps, c'est ça, ouais. Et c'est là où vraiment vraiment t'entends la musique. Mais ça, je m'en suis pas aperçu la première fois, c'est parce que je me suis fait je me suis dit quand même je vais regarder le film juste avant de venir chez toi, Oasis, quand même. Oui. Hein. Et du coup, j'avais pas le temps. Donc, je l'ai pas regardé, je l'ai écouté. J'ai mis le casque. J'ai travaillé en même temps. Et du coup, là, ouais, la musique, elle prend vraiment une grosse partie du film, une grosse part des émotions du film, quoi. Écoutez le film. Pas sûr que suis pas sûr qu'écouter la bande annonce sans avoir vu le film. La bande annonce. La bande originale, pardon. Sans avoir vu le film. Ah non, j'ai écouté le film avec les voix et tout, sans l'image. D'accord. Ah bah oui. Ah, c'est particulier. Vous faites jamais ça? Non. C'est jamais. Génial. C'est comme un livre audio. Tu te mets tranquillement en fait, dans ton lit, tu mates un film. Et tu fermes les yeux, si tu l'as déjà vu, hein, la première fois, ça marche pas. Et t'imagines tout, vraiment, je trouve ça génial. Ouais? Non? Ah, bon, d'accord. Non, c'est pas, faut que j'essaye, ça peut être pas mal. Pour la deuxième fois, hein, la première fois, non, hein. Il faut ouvrir les yeux. Oui, forcément, parce que les scènes qui... Bah, c'est un peu con de payer 10€ au ciné et de fermer les yeux, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas, et puis il y a certaines scènes qui sont pas forcément très radiophoniques, ou si tu l'as pas vu, ça passera mal. Mais, c'est là aussi que tu te rends compte que la partie son des films, ça compte des fois encore plus que l'image, quoi. Hein? On néglige souvent la partie là. Faudrait voir certains films sans la musique. C'est pas faux. Alors là, films, par contre, ça serait assez exceptionnel. Ouais. Là, tu prendras vraiment compte que ça manque. Alors que de fermer les yeux, ça manque pas toujours. Ah, c'est vrai. Voilà. Bah, remarque, si tu regardes, si t'écoutes The Artist, juste la bande son, bon, ce sera un peu plus compliqué, par contre, je pense, pour te souvenir du film en tant que tel. Si artiste, je l'ai pas artiste, vu non plus. Quoi film, je l'ai pas vu. Il y a quoi c'est de le film de Jean Dujardin. Bah, il est mauvais déjà. Où ils ont refait comme si c'était un film le truc en noir et blanc là. Oui. Ah, j'ai même pas envie. Au final, il y a que bon, on va pas en débattre dessus, mais au final, vu que c'est que des musiques qui s'enchaînent, t'as beau l'écouter, tu faut vraiment avoir une super mémoire pour te tout souvenir du début à la fin. Ça vaut le coup d'aller voir ça. Moi j'ai bien aimé. Ouais. Moi aussi, j'ai bien aimé. Après, ça casse pas trois pattes un canard, hein, mais. Donc bon, bah, on a fait un bon tour. On a un peu, voilà, c'est. Vous aurez une grosse émission pour ce nouvel épisode de À l'affiche. Bah, merci à Kikrine, Fab et Kenton d'être venus. Merci à vous. De rien. Merci à toi. Je t'en prie. C'était très agréable de reprendre pour ce deuxième épisode depuis la rentrée. Alors oui, désolé pour des contretemps. J'ai laissé un peu traîner de mon côté. Et également, après l'organisation entre les différents invités, on fait que... mais c'est de ma faute. Hein, on fait que la publication... il y aura presque un mois et demi ou même presque un mois et demi entre le dernier épisode qui était sur Retour vers le futur et cet épisode-là. Je vais essayer d'être plus régulier pour la suite, de m'y prendre plus tôt pour retrouver un rythme un peu plus régulier. J'aimerais essayer de viser toutes les trois semaines. Ça pourrait être pas trop mal, tous les 3-4 semaines. Ça laisse le temps de bien voir un film, bien s'en imprégner et de... d'avoir le temps d'y réfléchir un petit peu avant, pourquoi pas, d'envisager d'en parler dans un prochain podcast. Et le prochain justement sera quoi alors? Je sais pas, t'as mentionné tout à l'heure le film Contact, que t'as suggéré via le formulaire, et que je t'avoue que... Et si tu le fais celui-là, t'es obligé de m'inviter. Ah mais t'inquiète pas, le fait que tu en aies reparlé... Moi je pense que je l'ai regardé plus de 30... Mais t'es pas la seule personne que je connais, en dehors même d'internet, je connais des personnes qui l'ont vu déjà et qui l'ont beaucoup apprécié, donc faut vraiment que j'essaye et d'en parler dans un... C'est la base, ce film, c'est la base de tout. Podcast. Vous remerciez un peu de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On va faire un rappel habituel, voilà. Où est-ce qu'on peut un peu vous retrouver si vous voulez faire un petit peu votre pub. C'est le moment, on va faire un petit tour. On va commencer, par ordre alphabétique, par Fab. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver si les gens veulent te voir sur Internet? Le SAV de la F1, donc podcast sur la Formule 1 hebdomadaire, donc même parfois deux fois par semaine, on est fou. Oui. Et parfois des passages éclairs dans On achève bien les endives. Ah bah voilà, c'est là que je t'ai entendu. Ah mais dans On achève bien les endives, il y a quasiment tout le personnel du SAV de la F1 qui est passé, donc tu l'as forcément entendu. Oui, d'accord. Kikrine, où est-ce qu'on peut te retrouver? dans mon podcast, Une fille, un podcast. Et puis, je crois pas trop que je vais à droite à gauche, moi. Non, je reste chez moi, sagement. Voilà. Et voilà. Mais sinon, sur Twitter. @Kikrine. Voilà. Kenton, où est-ce qu'on peut te retrouver? À tes côtés, jeudi soir, dans TechCraft. Podcast tech, un peu de jeux vidéo, mais beaucoup de fun. TechCraft. Sur Twitter. TechCraft. Oui. Je le digère pas, c'est pour ça. Bah vas-y. Ah bon? Pourquoi si tu veux nous faire une vidéo pour nous dire? Je vais remettre mon costume et je taille un arc. Allez, et des flèches et j'arrive. D'accord. Ah oui, bah ça colle avec Robin des Bois. Je nous fais une vidéo pour expliquer. Là-dessus, sinon sur Twitter @Kenton tout simplement QENTON et sur SoundCloud. Tiens, SoundCloud c'est bien. Pareil, c'est Kenton57 sur SoundCloud. Allez, écoutez, je fais un peu de musique. Également, vous pouvez retrouver, enfin, les rappels de où est-ce que vous pouvez retrouver l'émission. Alors, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud à l'adresse alaffichepdc.fr. Alaffichepdc est tout en attaché. Il y a également un Google Doc que j'ai mis en ligne à l'adresse suggestion, au pluriel, .alaffichepdc.fr. Si vous avez des films que vous aimez, que vous aimeriez nous faire découvrir, que vous avez beaucoup apprécié, n'hésitez pas à les envoyer, à les mentionner dans ce formulaire, des films qu'on a pu passer à côté et que finalement beaucoup de gens ont apprécié. On se fera un plaisir de regarder toutes tes propositions et de peut-être en parler dans une future émission, hein, pourquoi pas. Je peux notamment mentionner Kenton qui a suggéré, il l'a déjà dit, le film Contact. Qui... Si tu continues à hésiter sur ce film, je ne te parle plus. Donc voilà. Il est très bien ce film. C'est ça. Moi aussi, je l'ai vu plusieurs fois. Non. C'est la base de tout. Et vous pouvez également retrouver l'émission sur Facebook. On a une page à l'affiche-podcast. Il y a pas beaucoup de monde, mais j'essaie de publier régulièrement également pour pas que cette page soit vierge. Donc n'hésitez pas à venir y faire un petit tour et dire un petit bonjour, ça peut toujours être sympa. Et également, on est également sur Twitter avec le compte @@lafichePDC. Donc voilà, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. Et puis ben, on se dit rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, salut, ciao. À plus, bye bye. Bah, ouais, je sais pas. Non ? Non, non, je suis... Non. Ça fait combien ? 20 ans qu'on nous dit qu'on est en train de chuter de, au fur et à mesure, qu'il faut qu'on réagisse. Et les écolos, ça fait combien d'années qu'ils nous disent que, de toute façon, même si vous réagissez, c'est déjà trop tard, donc... Ouais, et ben c'est pas grave, ça n'empêche pas que ce soit intéressant d'en parler. Non, n'empêche que ça reste quand même très flou dans le film, sur ce qui s'est passé sur cette planète. On sait qu'il y a une maladie qui attaque le blé... le maïs, pardon ? Le maïs, ouais, le mildiou. Le blé, je sais plus, voilà. C'est le mildiou qui attaque le maïs. Et puis tu vois aussi la négation du passé, en fait. Oui, c'est vrai, ça. À l'école où ils réécrivent l'histoire, en fait. Hein, que... C'est ça. C'est ça. Réécrivent l'histoire. Et pour moi, ah, ça justifie pas, qu'ils sont pas allés sur la Lune. Pour moi, ça justifie pas, ça. Ça justifie pas quoi ? Bah, le fait qu'ils nient l'histoire de la conquête spatiale. Je comprends l'idée d'un truc, mais à mon avis, ça justifie pas. C'est vraiment un truc genre pour faire réagir le spectateur, pour dire « Oh, dis donc, touche pas à notre à l'unissage. » Non, mais attends, c'est mais ça clairement, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à cette polémique où les Américains... Oui, d'accord, mais enfin, ça prend quand même une place importante, quoi, jusqu'à l'effacer des manuels scolaires. Enfin, c'est... Bah oui, mais c'est aussi... C'est aussi pour justifier le fait qu'il n'y a plus de budget et que tout se concentre sur le fait qu'il y a tout doit être mis dans le fait d'arriver à trouver quelque chose à bouffer, quoi. Enfin... Et puis surtout, ça met un côté politique. C'est on passe dans la propagande. Voilà. Et oui, puis non, après, ça, pour que fait, les masses, ça. Pour que les masses, elles suivent leur politique, la meilleure façon de le faire, c'est qu'il y ait pas d'histoire sur à laquelle se raccrocher, quoi. Finalement, si tu sais pas ce que t'as perdu, tu peux pas lutter pour le retrouver. Ouais, non, mais enfin. Moi, le truc, c'est qu'à la limite, on parlerait de, je sais pas, d'un événement un peu moins majeur de l'histoire de l'humanité, mais ça, c'est quand même un événement majeur. Ouais. Enfin, je sais pas, il y a des choses qu'on peut quand même pas effacer de manière, enfin, comme ça, d'un coup de baguette. Alors, je comprends que ça se fait sur plusieurs générations, c'est évident, parce que de toute façon, même sur la Terre, à ce moment-là, on sent bien qu'ils sont plus évolués dans la technologie que nous aujourd'hui. Enfin, on le pressent sur un certain nombre de choses. Mais... Je veux pas dire, mais c'est énorme. Ouais, bah, pas tant que ça. Hein. Bah, ils refont un saut en arrière, quoi. En quoi tu ressens qu'ils sont plus évolués que nous sur la technologie ? Bah, tu vois les drones ou je sais pas quoi, là, les trucs, ouais, les avions déjà, qui fonctionnent tout seuls, tu vois. Ouais, mais c'est marrant parce que quand tu vois la gueule de la station qu'ils empruntent, t'as l'impression que c'est un truc de russe au début de la conquête spatiale, quoi. Ouais, mais ils ont plus de thunes. Il y a plus de crédit dédié pour ça, donc ils ont fait comme ils ont pu, quoi. Par contre, est-ce que quelqu'un peut me dire à quelle période ça se passe ? Parce que je crois pas c'est qu'à difficile. Un seul moment, non, je ne crois mais... pas qu'à un seul moment, il l'évoque. Hein. Futur proche. Ouais. Ouais, voilà, c'est un futur proche, c'est vague, quoi. Parce que comment quantifier la notion de futur proche ? Demain ? Dans 100 ans ? Dans 2000 ans ? Parce que comme on parle quand même de l'extinction d'une espèce, tu peux estimer que tu peux calculer la survie d'une espèce sur quelques millions d'années. Donc, futur proche, bon. Ouais, faudrait regarder 30, peut-être. 20 ans, moi, je sais pas. Faudrait regarder peut-être au moment où elle a le manuel dans les mains, la gamine. Peut-être que là, t'as une indication, mais non, sinon, non, y a rien. Sinon, je l'ai vu mercredi et je me posais déjà la question avant de regarder le film et du coup, j'ai fait attention et que dalle. Moi, j'ai rien trouvé. Je suis en train d'éplucher la page Wikipédia et. Ouais. À moins que je regarde trop vite, je vois pas de mention par rapport à une date. Mais c'est peut-être fait exprès aussi. Hein. C'est fait exprès, ouais, je pense. Ouais, est-ce que c'est basé sur un livre ? Je pense que c'est basé sur un livre, quand même, comme d'habitude. Alors, il me semble, hein, je vais pas dire de conneries, mais c'est pas basé sur un livre, parce que moi, j'ai cherché, justement, si on pouvait lire le bouquin de ce film. C'est basé, en fait, sur un espèce de livre, un scientifique qui a fait des recherches et des hypothèses, justement, sur tous ces trucs-là, trous noirs, trucs verts et... Ah, et compagnie. C'est sûr, oui, d'accord. Et du coup, le film a été construit autour de ça pour rendre hommage à ce scientifique. À vérifier, hein, je suis pas sûre sur ce que je dis, mais... C'est le scientifique qui a travaillé avec eux, non ? Ouais, je pense, ouais. Voilà, moi c'est... Et c'est un scénario original, par contre. Hein. Ouais. comme souvent, bah, bon. Nolan, qui apparemment aurait été repris d'un projet de Steven Spielberg. Selon Wikipédia. Ouais, il y avait tout un développement. Ouais. Tiens, j'aurais été curieux de voir la version de Spielberg quand même. Ouais, c'était peut-être juste une ébauche. Hein. C'est indiqué que c'est basé sur les travaux d'un physicien américain qui s'appelle Kip Thorne. Ah bah voilà vrai, c'est Kip Thorne. C'est vrai qu'ils n'arrêtaient pas d'en parler. Ouais. Et puis, donc il y avait cette partie-là, et puis t'as aussi, je trouve. Que vous avez simplement dit que le frère c'était juste un gros con. Le frère non, on a dit qu'il était mis de côté. Mais ah, c'était peut-être pas dans cette émission en fait. C'était peut-être pas dans ce podcast, désolé. Le frère non. De qui le... C'est... Ouais, donc je disais, le frère justement de Murph, il représente tout ce qui. Tout ce que l'école et la nouvelle politique de la société au moment-là peut faire devenir un homme. Tu vois, qui refuse la partie médicale, qui accepte son sort d'agriculteur, des choses comme ça. Ben, moi, je trouve que ça montre, voilà, justement, ce que ça donne quand les gens sont formatés, quoi. Vous me suivez là ou pas ? Je me sens ouais, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui, quand non, mais quand Murphy adulte veut sauver lui sa famille et que lui refuse et veut rester dans la maison et qu'elle va mettre le feu aux plantations. Tu vois, ce personnage, pour l'obliger à réagir, que, ouais. Ce personnage, moi, je l'ai vu qu'à une, enfin, pour moi, il a qu'une seule utilité, c'est faire dans le film, enfin dans l'histoire, c'est un leitmotiv pour faire revenir Murphy dans sa chambre. C'est tout. Il sert à rien d'autre, on est honnête, il sert à rien d'autre. Tu enlèves si Murphy devait trouver une, enfin, elle devait pas revenir chez elle à la maison, tu pourrais enlever le personnage de son fils, il ne servirait à rien. Bah, il sert à montrer ce qu'ils subissent sur Terre. Oui, c'est il vrai. Sert à montrer parce que parce qu'il perd un enfant aussi. Il perd un enfant, il y en a un autre qui est malade, voilà, et ça te montre toute la gravité qu'il y a sur Terre et pourquoi il faut qu'il parte, quoi. T'aurais montré d'autres personnages externes, ah bah oui. Un collègue, un machin, oui. Un truc, voilà, on mamie, est resté sur mamie la voisine, et voilà. Parce que au final, t'as pas que c'est dit honnêtement, mais t'as pas l'impression qu'il porte un amour inconditionnel à son fils. Par contre, l'amour qu'il a pour sa fille est énorme et fait tout le tissu du film. Eh oui. Bah, c'est comme ça que moi j'ai ressenti, tu vois. Oui, c'est différent. C'est... Ouais. C'est... Bah, bon, après, là, je peux partir là-dessus.